Cet épisode du podcast de Papa Cassette est une présentation de Lager Brow, bière adéquate. Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous et bienvenue à l'épisode 135 de chez Papa Cassette. Salut Jean-François. Salut Dominique. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui. De retour en HD? C'est absolument fantastique. Fait que oui, en effet, on peut revenir là-dessus. On a eu un épisode... en fait, on va parler de la nouvelle commandite de bière parce oui, que l'un va mener à l'autre. Me l'ouvrir d'ailleurs. Là. Ben oui, ouvre-toi là. Moi, c'est déjà fait. Donc, on a reçu au dernier épisode Jason Gawett. Et puis, Jason est l'un des copropriétaires de Lager Brow. Donc, Lager Brow, des yes. bières très adéquates. Ils sont très, très adéquates, ouais. Et puis, Jason, donc, il nous a raconté beaucoup de choses au cours du dernier épisode. Il a sa vie d'entrepreneur en tant qu'épicier, la compagnie de bière, tout ce qu'il a vécu, ses hauts et ses bas. Et puis, ça finit avec l'Empire Gawett oui. lui-même. Hein, donc, quelque chose d'assez incroyable. Des truffes, puis de l'agroalimentaire. Puis, un beau périple, cet épisode-là. C'est fascinant. Quelle vie fascinante. Ben oui. Et puis, c'est ça. Donc, Jason nous a laissé beaucoup de bière, en fait, ici, là, énormément. Donc, on a raconté au début du dernier épisode un peu que, malheureusement, c'est terminé pour l'aventure Pixel est terminée. Ils ont fermé les livres. Ouais. Ils arrêtent ça. Donc, voilà pourquoi on n'a plus de bière Pixel, quoi qu'il en reste 2-3. Et puis, Jason est arrivé, comme drette l'épisode d'après, avec plein de bières. Puis là, j'ai comme, ben man, tu nous donnes tout ça, là, tu sais. Veux-tu qu'on t'annonce sur le show, là, tu sais. Fait qu'il était d'accord. Alors, c'est une commandite Lager Brow, tu sais, mais faut... Tu sais, les commandites, il y a comme... C'est pas nécessairement genre une commandite pour toujours. Ouais, là, ouais, ouais. On pourrait avoir une commandite c'est la semaine. C'est l'épisode que vous écoutez est commandité par Lager Brow en ce moment. Exact. Puis il va l'être jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on ait épuisé les stocks. C'est exact. Puis si un des auditeurs travaille chez Glossette et qu'il nous envoie genre oh, man. 24 boîtes de 24 Glossettes au raisin. T'as pas idée à quel point les Glossettes, ça a une place dans mon cœur pour vrai. Là. Même au raisin? Ah, c'est sûr que j'aime le plus au raisin. C'est dégueulasse. Quand j'étais jeune, ma mère m'amenait... avec elle au travail, puis à chaque fois qu'on prenait le métro, elle me donnait une petite boîte de glace au raisin, ça a marqué ma jeunesse. Salut, maman! Salut, maman! Hey, bravo! Elle nous écoute peut-être, parce que des fois, elle nous écoute. Fait que c'est... Ah oui, alors, ouais. C'est un peu gênant. Ouais, ça, ben c'est ce que j'ai dit. Pas au jeu de m'écouter quand je parle dans les podcasts. Oh my God! Fait que c'est ça, s'il y a des gens qui travaillent chez Glossette, on est ouvert. Donc, c'est une commandite Lager Brow présentement, et puis ça nous fait très plaisir. Les bières sont délicieuses, et elles sont disponibles à bien des endroits. Partout, pas mal partout, est-ce que Jason disait d'ailleurs? Puis s'il n'y en a pas, demandez à ce qu'il y en ait. Puis vous allez en avoir. Comme avec Pixel, absolument. Fait que, puis ce sont des bières de type, surtout Lager, Pilsner, mm-hmm. des bières blondes, genre. Alors, il n'y a pas d'IPA, ils ne feront pas d'IPA. C'est pas parce qu'ils hate. Mais eux autres, là, ce qu'ils veulent faire avec ce brand-là, c'est vraiment ce type de bière-là. Là. Des exact. Bières. Blonde. C'est tellement plus que ça. Fait que voilà. Alors, on s'abreuve de ça, mais je vais en prendre une autre gorgée de suite. Ouais, ouais, ouais. Pendant que je mets mon autre côté. Il y a beaucoup de liquide sur la table. On est juste deux et on n'a pas beaucoup de pause. Fait que ça se peut que. À la fin, on se tortille un peu sur notre chaise. Là. Exact. Comme mon gars de 4 ans quand il veut pas aller aux toilettes. Puis je dis, Gabriel, t'as envie de pipi là? Non, je continue à jouer. Non, j'ai pas envie. Ah ouais. Rendu là dans l'évolution. Ça va peut-être faire ça, nous autres, avec. On devrait se prévoir des ziplocs ou quelque chose pour pisser dedans. Ah, peut... des ziplocs. Parce qu'à Rétro Nouveau, ça allait bien. À 4, on peut s'élever. Un qui se lève, va faire ses affaires. Mais c'est pas un 2 litres, là. Un ziploc, le mou, là, vraiment. Ah oh, ouais, avec un élastique pour se l'attacher autour du bas. Ah oh, ouais, j'avoue. Hein? Ouais. Couille à l'extérieur, bien sûr, pour pas les salir. J'ai oh. pensé aux Invincibles là, dans la saison 1, qu'ils se mettent des élastiques sur la graine, en tout cas. Ah ouais, je me rappelle plus. Pourquoi ils faisaient ça, non? Parce que ça l'excitait. C'était Patrice Robitaille là, qui faisait plein ah, d'affaires. Ah oui, lui, il y avait toutes sortes d'affaires, là, avec début, son cerceau puis de l'huile. Ça commençait avec des élastiques sur la graine, au début. Ah oui, il se mettait des élastiques autour de la graine. À son bureau, là, comme tout le monde fait. Ah ben oui, quand, pour sa tête à passer des pistes jog comme les camionneurs, c'est dégueulasse. Mais oh oui. Là là. Fait que, ouais. On aura un urinoir dans le coin du local, peut-être, à un moment donné. Là. Ben, ou un frigo à bière, là, comme on oh parlait. Oui, pour en boire plus. On veut. Le décor. On en discutait un peu avant le show, là. Le décor va. Là, c'est beau, Rob, là, mais. Ça fait budget, un c'est peu. C'est ça, là. On va passer à d'autres choses. Steve Chouinard. C'est qui, Steve Chouinard, non? C'est une joke de pisse, ça? Non, c'est son nom, je pense, dans... Ah, dans les Invincibles. Ah, ouais. Oui. C'est une vedette, ça, qui s'est fait prendre à pisser, genre, sur des mannequins. une autre encore. Là. Une autre. Fait que voilà. Alors, merci beaucoup, Lagerbrow. C'est très apprécié. Puis, oui, King Nadera, il n'y a plus de pixels, n'existe plus. Alors, comme je disais au dernier épisode, si vous en voyez, achetez-les. C'est discontinué. C'est les last print. Ça va prendre la valeur. Ça va prendre la valeur. Alors, allez-y. Et puis, c'est ça. Sinon, je voulais mentionner aussi que Jeff, t'as travaillé fort pour nous fabriquer des formats TikTok. Ouais, bon, on s'est dit qu'il fallait rentrer dans le nouveau média maintenant, le 2024. Fait que là, on va essayer de faire les petits shorts qu'on voit sur Facebook, là, puis TikTok, évidemment. Là. Donc, on a commencé à produire des extraits du podcast en vidéo sur TikTok, sur Facebook Reels, puis YouTube Shorts. Ouais. Exact. Et Instagram. On est partout. Puis il y a manière avec Twitch de juste exporter des clips et puis d'envoyer ça direct dans TikTok. Ouais. Mais on voulait rajouter un peu d'habillage. Puis aussi. J'étais un monteur vidéo amateur. J'aime ça beaucoup faire le montage vidéo. C'est ce que j'aime le plus. Fait que ça me donnait une occasion de faire quelque chose. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis on voulait le faire, tu sais, comme trouver la façon simple. Mais là, Jeff, toi, tu y vas all-in, laboratoire professionnel. Quand c'est simple, mais qu'il y a une limitation, je suis comme, mais je suis capable de faire ça, là, moi le faire. Là. Fait on trouve une façon de le faire. Là. Fait que tu le fais directement dans Adobe Premiere, et puis Abra, monsieur, Agené. Abra pour ce qui est du vidéo, puis je fais générer le transcript du vidéo, donc les sous-titres audio, puis après ça, on va tweaker un peu pour placer dans le bon format, puis juste que ce soit beau à l'écran, puis que c'est lisible. Là. Exact. Donc, c'est ça qui pogne le monde souvent, ils regardent leur cellulaire avec pas de son. Puis là, c'est pour ça qu'il y a des gros sous-titres souvent, c'est que le monde lise sans mettre le son. Puis des fois, ça accroche le monde pour cliquer dessus puis écouter le reste du clip. Donc. Exact. Puis moi, même quand je l'écoute avec du son, j'ai comme tendance à lire pareil. C'est comme un film avec des sous-titres. Là, exactement. Puis le but de tout ça, en fait, c'est vraiment... Le but, c'est d'en faire plus avec pas rien de plus. Ben moi, je pense... Puis moi, personnellement, je découvre beaucoup de podcasts qui m'intéressent et beaucoup de shows et de choses qui m'intéressent via TikTok. C'est là que j'en découvre le plus, vraiment, puis que je découvre des personnes très intéressantes à suivre aussi. Fait que le but, c'est de se mettre... de s'afficher là. Petite visibilité. Puis de là, faire ça. Connaître le show là. Alors, on va voir ce que ça donne. Pour mon TikTok personnel de Papa Cassette... Tu sais, peut-être, je vais faire des TikTok des fois, whatever, mais je m'en sens pas tant la force, je suis fatigué. C'est quand même long, puis c'est de la job à faire de quoi d'intéressant. Là. Ouais, puis de quoi être cool, puis tu sais, mais si j'ai une idée, à un moment donné, je vais le faire. J'ai déjà fait une petite vidéo de rien, là, mais je prévois pas comme en faire, fait que ça sera dédié pour ça. Et puis, tu le fais aussi pour la soirée du podcast? Ouais, bien sur le TikTok de Young Media, là, je t'en ai tout ramené sous Young Media, dans le fond. Donc, pour la soirée du podcast, puis j'avais fait un truc quand j'avais streamé Québec Mortis. J'avais fait un petit clip aussi de moi qui stream, là, donc c'est le fun. C'est juste plus de contenu. Absolument. Fait que allez voir ça, Papa Cassette sur TikTok et puis Young Media sur TikTok. Ouais. Et sur Twitch et partout, là, c'est... Un empire, là. C'est... Young Media est partout. Hein? Ouais. Jeff, il a ses pattes dans tout. Pattes dans tout, de l'argent dans rien, c'est... c'est ça. Super occupé à pas faire d'argent, hostie. Éric qui dit TikTok est parfait pour un setup de pauvre, effectivement. Je sais pas comment faire des TikTok live. On dirait que j'ai pas l'option, moi, dans TikTok. Ça se peut tout. Faudrait checker avec l'application. Faudrait voir, j'ai pas regardé à ce niveau-là. Ouais, ben je rentre dans le game, je sais même pas comment ça marche le temps que ça. Là. Ouais, ben pour produire des affaires, il y a beaucoup d'options aussi, puis beaucoup de stock. Puis je trouve tout le monde tellement ça accroche. Puis ce que j'ai essayé de faire, c'était dégueulasse. Fait que, disons, du coup, j'étais épuisé. Laisse ça au pro, là. Moi, je prends du stock qu'on fait déjà là, puis je leur tweak. Puis on ouais. Puis on a quelqu'un ici, chez Retro Montréal, qui s'en occupe aussi de. Ouais, ils sont beaux, vos TikTok, là. Ouais. Le TikTok de l'éclipse, je l'ai vraiment ri. Oui, ben tu vois, on a fait d'autres TikTok ça... beaucoup plus élaborés, genre. Puis l'éclipse des Pokémon Ultra Moon sonne comme. C'est une niaiserie. Ouais, ça, ouais. Ça a duré 2 secondes, ça marche pas bien. Fait qu'il y a ça aussi, TikTok, des fois, tu fais rien. Un petit, puis un petit ça idée, marche. Ça marche, ouais, ça. Fait que c'est ça. Mais je veux pas. Je suis tanné d'apprendre des médias sociaux. Là, puis, je veux, ça vient lourd un peu. Fait, moi, j'aime juste produire le contenu, mais j'aime pas tant le publiciser après. Fait, je le sors, puis c'est pour ça que je me fous un peu moi, des views dans ce que je fais. C'est comme, ben voici, là, j'en offre de contenu. Comme il y a du stock qui sort. Sur Discord, sur le Hub, il y a un gars qui est allé voir le YouTube de Young, puis il a dit, Chris, vous devez donner du beau stock sur votre YouTube. Ben oui, là, tu sais. C'est pas nouveau, Young Media, là, qu'on roule des affaires. Là, exact. À un moment donné, quelqu'un tombe dessus, trouve ça beau, puis ça continue. Un jour, JF, quelqu'un... On va y arriver ou on tombe en retraite. Quelqu'un va tomber là-dessus, va dire tabarnak, une mine d'or. Ouais. C'est de valeur que tout ça, maintenant, ça n'existe plus qu'on soit dans le VR ou par injection pour consommer. Par injection. Pour consommer nos médias. Je vais te prendre un petit podcast live. Ah ouais, d'invent. Plugué à longueur de journée. Le rêve. Du contenu par injection. Hashtag contenu par injection. Wow. Hey, mais sinon, on l'a pas écrit dans l'intro, mais t'as-tu regardé l'éclipse? Non. Ou t'as-tu pas regardé l'éclipse? J'ai pas regardé l'éclipse parce que j'avais mon gars qui est dans le sol qui s'en calissait bien raide de l'éclipse. J'ai dit, gars, Gabriel, tout est noir, on va aller voir dehors l'éclipse avec les lunettes. Genre, il voulait écouter Cars de lui, là, il s'en foutait. Là. Ah ouais, pour vrai, t'es pas allé la voir? Non, j'avais pas de lunettes, là, d'un, puis j'étais avec mon gars, fait que je pouvais pas. Mais j'ai regardé vite, là, mais j'ai pas fait, ah, je vais fixer, me devenir aveugle, là. Ouais. J'ai vu toute la lumière descendre, tout ça. C'est impressionnant, là. Ah, c'était hot. Puis moi, j'avais pas catché, là, que quand le soleil est complètement caché, c'est là que tu peux enlever tes lunettes puis regarder, tu sais. C'est là que tu vois le rond noir avec le cercle blanc, tu sais. Ça, je l'ai vu, tu sais. J'ai pas suivi l'évolution. J'ai vu le rond, là. C'est ça. Ben, tu vois, moi, c'est l'inverse. Je savais pas qu'on peut regarder ça de plein yeux. Fait que là, on me l'a dit pendant, là, je suis comme, oh, tabarnak, là, j'ai enlevé mes lunettes, tu sais. Puis là, j'ai vu, mais là, je suis comme full FOMO, là. J'ai comme, fuck, je l'ai pas vu assez longtemps. Je suis triste, là, tu sais. Mais. Check TikTok, il va en avoir plein. Là. Ouais, j'avoue. Mais c'est pas pareil, tu sais. Non, c'est clair, là. Enfin, qu'il se passe à chaque 80 ans, là. Ouais, c'est ça. Mais là, ça, c'est encore pire. Le prochain, je vais être mort. Ouais, moi aussi. À moins qu'à force d'avoir de consommer par injection. On va être juste très, très pas là, mais on va être par injection mollasse, là. Un peu en sauce, là. Mais c'était cool. Et puis, il y avait du monde partout au parc ici. Puis, c'était le party. C'était comme, mon Dieu, c'était l'événement. On était chanceux qu'il n'y avait pas plein de nuages partout et qu'on la manque. Là. Au moins, on l'a vu. C'est pas pire. Là. Exact. Puis là, hey, j'ai entendu que, genre, au lendemain, sur Google, la chose la plus... Là, c'est ce que j'ai vu, moi aussi. Là. Tout le monde est comme, j'ai mal aux yeux, qu'à faire? Qu'est-ce qui se passe? On dit 2026, le prochain en Espagne. Mais je pense que c'est pas une éclipse complète, la prochaine. Ah ouais. Je pense que c'est peut-être ça. Hmm. Ouais, parce qu'il y en a une autre pas complète de prévu dans pas si lointain. Des pas complètes, il y en a aux 4 ans. Total, OK. Ben, c'est peut-être total, dans notre région, bon, visible, dans 80 ans. C'est peut-être probablement plus ça. Là. Ouais, la totale, c'est dans 80 ans ici. Mais ouais, ben, il y en a des chasseurs d'éclipses qui font de leur vie. Là. 2026, dans 2 ans, on va aller podcaster en Espagne, payer les Patreons, puis on va aller prendre des photos de tout ça avec nos téléphones. Chris, je serais dû pour aller en Espagne, d'ailleurs. Moi, faut que je visite. Faut que je voyage. Je vais aller voir ça. Ouais, j'aurais dû, moi aussi, voyager maintenant. Là. Ben, il y a des chasseurs d'éclipses, mais ça fait moins beau que les chasseurs de tornades dans le film Twister. Ah, ça, là. Là, tu l'as vu, ce film? Ben oui. C'est-tu que c'était... J'ai fait le manège à Universal Studios de Twister. Twister, le film. Oh, ouais. Ils ont fait un manège. Ben, c'était un manège, c'est comme... T'es la maison, là, que la vache revole devant, là, mais t'es comme ça à la galerie, là. Puis tout se met à tomber, puis ça revole dans les airs. Puis t'assistes à une tornade comme dans le film. Là. Mais comment ils font pour remettre tout en place? Je sais pas. Là. Sortez, tu replaces. Je sais pas trop. Là. Aïe, aïe, man. C'est vieux, là, ce manège de Twister. Ça fait 20 ans au moins que j'ai fait ça. Là. Il doit plus exister aujourd'hui. Non, mais le film Twister, c'était bon. Là. Ah ouais, non, mais ça. Ouais, j'ai trouvé ça sympathique. C'était pas spécial. Un tas de marde, là. C'était mais... dans l'époque de ces films-là, de catastrophe. Oui, c'est ça, là, ouais. Dante Speak, like Pierce Brosnan, puis ces affaires-là. Mais ça, c'était pas bon, par contre. Dante Speak? Ben, il y a eu. C'était pas une série, Dante Speak. Non, je pense qu'on se mélange. Là. Dante Speak, c'est. Moi, je mélange peut-être de. J'essaie de voir si quelqu'un parlait de Dante Speak. Là. Parlez-nous le sommet de Dante, me semble, c'est un volcan. Ouais, là, oui, le sommet de Dante, il avait fait un film, ouais, c'est vrai, là, je me rappelle. Avec, me semble, c'est avec Pierce Brosnan. Ouais. Quelqu'un nous le dira. Ils nous le diront, en effet. Je pensais pas qu'on allait parler de Dante Speak. Dante est un volcan, c'est ça. Ouais. En plus, je pensais pas que je parlerais de Dante Speak aujourd'hui. Oui. Je suis allé en Estrie pour voir la totalité. J'ai eu un gros 3 minutes de totalité. J'en ai presque chié dans mes culottes tellement ça m'a impressionné. Dit Tortoc le barbare. Wow! Dans le chat. Tortoc le barbare. C'est vrai, en Estrie, ça a duré beaucoup plus longtemps. Martine était dans un chalet et puis elle en a eu un bon, c'est ça, là, 3 minutes. Fait que c'est cool, ça. Ouais. C'est cool. Mais là, après, je regardais. Puis là, à un moment donné, tu sais, ça commence à vaciller. Ouais. Puis là, je suis comme, non, est-ce que j'ai-tu regardé trop tard? J'ai mis mes lunettes. Merde, ça a recommencé. Là, je suis comme, Mais oui, ce qu'on dit tantôt, c'est que la recherche numéro 1 sur Google le lendemain, c'était genre, j'ai mal aux yeux après avoir regardé l'éclipse. Oui, c'est ça. C'est-tu du trolling mondial ou c'est vraiment du monde qui sont épais à l'échelle? C'est les moutons, ça. C'est la masse, JF. Peut-être. C'est le papier de toilette de la COVID. Ouais, c'est genre, le monde, c'est ça. Là. C'est les gens. Mais je pense pas que les gens ont fabriqué ça pour troller la planète. Ça arriverait beaucoup de monde, mais ça dit qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas écouté. Là, pis ouais. Ils ont fait comme Trump. Ils ont regardé mais moi, je pense que le monde, ils ont pas mal non plus. T'sais, non, ouais, aussi. Là, c'est... J'ai mal aux yeux présentement, mais j'ai pas de raison. Puis je m'en rends pas compte parce que c'est la vie. Ouais, ouais, mais ben, quand... Ça, c'est la fatigue. Là, ouais, exact. Mais là, quand on dit ça se pourrait que tu aies mal aux yeux, ben, as-tu vu. Là, tu penses à ça tout le temps. Là, fait c'est... que tout le monde se met à capoter. Ouais, ouais. Fait que c'est sûr que c'est ça. Fait que parlant de capotage, Arcade MTL a eu 8 ans le 1er avril dernier. Et puis, waouh, hey, je suis vraiment content pour vrai. Je m'attendais à ce que ça arrête après 2 ans. Le monde allait se tanner des arcades, là, tu sais, ces vieilles machines-là, que ça allait rien que faire plaisir aux vieux comme nous autres pendant 2 ans. Vieux boomer. Mais non, pour vrai. Puis, c'est cool, 8 ans. On a fait la soirée samedi dernier. Puis, il y avait pas mal de monde, pas mal de jeunes. Comme d'habitude, la boîte est pleine, tu sais. Puis, pour vrai, l'engouement, puis les gens continuent de se présenter année après année. Puis, ça aide beaucoup. Puis là, j'étais bien stressé dernièrement avec l'arcade aussi, puis tout ce qu'il y a eu à faire, puis les transitions, puis l'argent. Et puis là, on s'en sort, là. Puis, vu que l'engouement, puis le monde, ils viennent, l'achalandage est steady, tu sais. Ouais, ouais. Ça fait du bien. Ça me rassure. Même, il est à la hausse. T'sais. On a des plus gros samedis soirs. On a un plus gros tout. Je sais pas si c'est parce qu'on a monté les prix. Ça, sûrement un peu 8 piastres de frais au guichet, ça a aidé. Ah, mais le guichet, il marche. Ah, j'ai une histoire de guichet là en plus. Mais non, le guichet, dans le fond, ça, il est presque plus utilisé. Ah là. Non, OK. Parce que depuis qu'on a la carte, tout le monde paye avec des cartes. On a plus le cash only. Ah. Mais là, on s'est dit, ce petit guichet-là, d'ailleurs, ça ne peut à rien, on s'en débarrassait. Puis là, on s'en est pas rendu compte, puis on a renouvelé automatiquement. Okay. pour 5 ans, il n'y a pas longtemps. Fait que là, ça finit en 2027. Puis ça, il ne t'envoie pas une notification. Ah, renouvelle direct. Votre guichet se renouvelle dans 2 mois. Tu sais, checkez ça, ils ne disent rien. Comme Amazon Prime. C'est on t'a renouvelé ton 80$. Hein? Okay. Exact. C'est un piège, man. Ouais. C'est de la raquette, ça. Fait que là, on est pogné. On peut pas le canceller, sinon ça va nous coûter genre 5 000$. Fait que là, il fait de l'argent, mais minimalement. Okay. Il paye ses frais et il fait un petit peu d'argent. Fait qu'on le garde, là, à cause de ça, là. Mais faut, je me suis mis... Que je te voyais pas faire une erreur de calcul. Ben, il faut pas que je me trompe. Sinon, t'es droit. Non, pas toi, le guichet. Là. Ouais, non, mais il faut pas que j'oublie en 2027, sinon ils vont me repartir un 5 ans. Ça, c'est ton Google Calendar tout de suite. Là. Exact. Hey, c'est une méchante bande de rats. Puis là, aujourd'hui, on s'est fait taguer okay. par Revenu Québec, il me semble, qui font des vérifications. Je sais pas si c'est Revenu Québec. C'est qui Chris qui nous check? Je m'en rappelle plus. Mais ça, c'est la société financière. T'sais, c'est comme un autre business dans une business, ces guichets-là. Et puis là, ils nous ont comme pris au hasard. C'était un hasard et on a été sélectionnés pour une vérification. Puis là, vu que ça l'a changé, il y a des partenaires qui sont plus là, les adresses sont plus bonnes, la petite pancarte sur le côté, fallait la changer, fallait renvoyer tous nos états financiers, le bail, les affaires de notre système de caisse et tout. Ils nous ont envoyé un email là, fucking volumineux de documents qu'il faut chasser puis retrouver, comme qu'avec le comptable, puis on a 6 jours pour les donner. Ah, c'est bon. Hey, man, c'est crise de bande de... Le gouvernement, puis les... Il n'y a jamais de frein à ça. Non. C'est tout le temps. Je suis tout le temps fatigué. Moi, j'avais reçu l'autre fois un avis comme « Hey, by the way, t'as un avis dans ta mailbox Revenu Québec. » Je suis comme « Oh, tabarnak, là, genre c'est quoi, là? » Puis genre, il avait audité mes impôts, puis il y avait une erreur sur mes impôts, puis je rembourse 2 000$. Sérieux? Ouais, mais comme rétroactivement, mais genre, ils sont dépensés ces 2 000$-là. Ben oui. Ça se faisait chier. Ah ouais, hein? Ouais. Rétroactif de combien d'années? Ah, c'était genre 1900, puis c'était comme 50$ de frais. Là. C'est pas rétroactif, là, c'était dû depuis genre septembre, puis il y avait des intérêts qui augmentaient dessus. Là. OK, mais c'était pas genre une erreur d'il y a 3 ans. Non, c'était vraiment une erreur de l'année passée. C'était pas une erreur, là, c'est qu'il y a eu un conflit entre deux rapports d'impôts de deux parents séparés. Là. On a comme, c'est ça, ouais. On a mis un crochet de place qu'il fallait pas les deux, genre, fait que ça a fait que ça m'a coûté 2 000$. Ces fameux crochets à 2 000$, Jean-François. Ils ont coûté cher, ceux-là. Le Mad Crumb Money, c'est là qui passe dans le gouvernement. Puis d'un clôture qui tombe. Ah, tabarnak. J'ai même pas réparé encore. Mon voisin, il l'a mis debout. Il a mis genre un bâton de hockey de travers. Puis là, ça tient en attendant. On va attendre, là, il a neigé. Je peux pas appeler un gars de clôture. Venez creusé. Là, mais j'avoue, hein. C'est encore là. Ça va bloquer les lièvres en attendant. Ouais, mais ça bloque pas les marmottes en dessous de la piscine. Ça, ah, ouais. Ah non, il y en a de la vermine à Saint-Hubert. Au moins, c'est pas des rats, là. C'est pas spin. Là. Non, ça, c'est ici. Ouais, ça, c'est chez Arcade MTL, les rats, pour en revenir d'ailleurs. Moi, ils sont dans le futur de la piscine, les rats, anyway. Fait que ah, ouais, ah oui, ils sont piscine creusée, sont ils dans viennent, ils viennent s'abreuver dans la piscine, puis ils tombent dans l'eau, puis ils se ramassent dans le filtreur. Ah, ouais. Le matin, je suis comme, ah, okay, c'est une souris. Tu fais quoi avec ça? Tes mains au vidange? Je les mange, je les fais. Non, je les prends. Tu pourrais les faire fumer. En fait, faudrait, je pense que je les mette dans un sac à vidange, mais je vais genre les vider dans la bouche d'égout. Ah, ben oui. Qui tombe dans l'égout. Fait que là, il y a genre un cimetière à rats dans la bouche d'égout. Ben, ça se fait manger par les autres rats. Ah, ouais, c'est des souris. Jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grosses pour pas être capables de rentrer dans la piscine. Fait que là, ton problème va être résolu. Quand ils vont être assez gros pour pas rentrer, là, ils vont entraîner 4 tortues. En tout cas, on va tomber avec les turtles. Souris, ça plancha. Ouais, fait pas de la ben grosse viande. Ouais, moins de viande que c'est une cuisse de grenouille là-dessus. Là. Fait que, ben, c'est ça. Puis avant de célébrer la soirée à l'arcade, on est allé downtown au food court Time Out. Ouais, et ouais. Puis, ça, c'est la mode, hein, ici à Montréal. C'est comme un peu le central. Ben, ça va être la mode ailleurs aussi, dans les grosses villes. T'as plein de restos et puis tu commandes n'importe où. Tu payes à la fin, là? Ben, tu payes là, puis ils te donnent une pagette. Ah, puis ouais. Au centre, il y a des tables, et puis il y a un bar, puis il y a un DJ. Comment ça s'appelait avant? Il y avait ça. Marché Mövenpick à Montréal, il y a longtemps. Mövenpick. Ouais, ça fait longtemps. Ça ressemblait un peu à ça. Genre, t'arrêtais à des stations et tu payais à la fin. Là. Ah, ben ouais, mais là, c'est nightlife. Ok, ok. Ah, c'est la, nightlife. La vibe est nightlife. Okay, okay. Là, avec non, le DJ, ça, les okay. Tables, la lumière tamisée et tout. Puis tous les restaurants, c'est pas genre mauve. Tu sais, c'est tout des okay, pancartes okay. Noires chic. Fait que c'est ça, on s'est assis là, c'était intéressant. Ça, c'est dans le centre Eaton. Et puis en face, sur le même étage, il y avait une arcade dont j'ai pris des photos, puis j'ai fait un story, puis ouais, j'ai oublié ça. C'est une arcade moderne avec juste des affaires modernes et puis des jeux à coupons, des affaires ah, même. Ouais, puis... ouais. Ah, j'aime pas ça, ces places-là, man. Ben, j'aime ça, mais j'aime pas ça en même temps. Ben, ouais, c'est ça. Je suis comme, ah, c'est donc bien drôle, mais calice, oh, c'est plate. C'est une 300$ pour avoir un crayon, puis genre un toutou, là. Non, c'est ça. On avait comme 30 coupons. Finalement, j'aurais pu avoir une balle rebondissante et demi. Ouais, c'est ça. Fait que, on a donné ça à d'autres, là, tu sais. À d'autres enfants qu'il y avait, là. Puis là, on a marché après ça. On est allé à l'arcade. On a marché sur Sainte-Catherine. Ça, c'est au métro McGill. On a marché jusqu'à Berry-UQAM, aller au bord. Puis ouais, ça m'a fait du bien. On était une gang de chums. Tu sais, Fred était là, d'ailleurs, dans le chat. Montréalien aussi. Et puis, tu sais, on a comme erré dans la ville. Tu sais. Puis là, on rentre dans mon bar. Puis là, il y avait du monde. Puis là, j'étais comme, yeah, c'est ça que je veux. Là. Ouais. Aller manger quelque part en ville, prendre une bière, marcher, prendre une autre bière, se promener. Ça me manque, ça. Puis je peux le faire maintenant, mes enfants sont vieux, là, tu sais. Ouais. Fait que je veux recommencer à vivre ma ville, là. Je veux vivre le urbain. Ma vie, mon quartier. Oh, oui, ouais, vraiment. Deviens ambassadeur d'Hochelag, là. Ah, moi, j'haïs ça, Hochelag, je t'en ai. Moi, je veux pas vivre ma ville, Hochelag, tu sais. Je veux retourner au centre-ville, tu sais. Je veux Montréal, là, tu sais. Hochelag, pour vrai, c'est bien correct, là. Ouais, ouais. Mais j'en passe du temps dans Hochelag. Ouais, toi, j'avoue, le travail, ça. J'ai habité dans Hochelag pendant longtemps, puis, tu sais, comme. Puis là, il y a des. J'étais arrivé tantôt. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Des graffitis, ça apporte, Carlis. Fait que là, va falloir enlever ça. Tu sais, comme c'est ouais, ça. Ouais, ouais. J'ai ouais, juste dans Hochelag que je vis ces affaires-là tout le temps. Et dans mon domicile et dans mes commerces. Ouais, ouais, ouais. Fait que. Comprenable. C'est funny. Ça a son charme tout à fait, Hochelag, mais pour vrai, si mes business n'étaient pas ici, je reviendrais plus ici, je pense. Sauf pour une sortie. Ouais, ou whatever, ouais. Là, comme je dis, ça a son charme. Là, on vient dans Mountain View là, à Saint-Hubert. Là. Des souris dans la piscine, une boulangerie. Ouais, mais chez Mumu. Chez Mumu. Mais nous, on allait à l'autre bord de la rue. Là. Ouais, le oh, comment ça s'appelle? C'est quoi son nom, non? Le marché Huberdeau. Huberville. Ah ouais. Ce genre, là. En tout cas. ouais, c'est ça. Huber. Ouais, c'est le nom. Flynet qui dit qu'il était au CH hier. Il a vu une game de 9 buts. Ah ouais, il est arrêté dans une arcade. Ah, les toutous, les cranes. C'était très malaisant. C'est rendu la mode, il y a ça en brossard aussi. Genre, c'est comme juste des crane machines. Ouais. Je vois pas l'intérêt, mais... c'est quoi? Ah ouais, pour piger machines, les toutous. Chercher les toutous, hein. C'est juste un alignement de plein de machines de ça. Il y a ça en brossard. Il y en a à Montréal aussi, je pense. Là, je sais pas c'est quoi l'intérêt. Là. Je sais pas, man. Peut-être gagner un toutou. Mais il y en a beaucoup d'arcades, là, d'ailleurs, sur... ben, là, il y a arcade, A-R-K-H-A-D ou A-R-K-A-D, je sais pas quoi. C'est peut-être ça. Il y en a une dans le village, puis il y en a une au downtown. Et puis là, les gars du North Star, ils ont ouvert le City Stars aussi. On voulait y aller, mais c'était fermé. Downtown encore, pas loin du Centre Eaton, qui contient l'arcade que je viens de parler. Et aussi, il y a des arcades au Timeout où est-ce qu'on était. Là, man, il y a des arcades partout. À Laval, il y en a deux, trois. Ouais, t'as Amusement 20-20. Ouais, celui-là, je connais, mais il y a un client ici qui m'a parlé d'un autre qui aurait un peu de vintage, là, tu sais. Fait que. Est-ce qu'il y a des arcades, là? Mais c'est le fun parce qu'il y en a pas une comme la Star, ouais, ça. Ouais, il y a le North Star, ouais, mais c'est des pinballs. Mais ça, fait que vous autres, c'est spécialisé. North Star, c'est spécialisé pinball. Et les autres font toute la même affaire. C'est ça, le reste, c'est du stock nouveau. Là, c'est ça, c'est facile. T'as rien qu'à les acheter, les affaires. Ouais, là, c'est ça. Tu pognes le téléphone, tu les achètes. Tu commandes direct. Fait que tu peux pas commander une Robotron là, ou ben une super contrat si facilement. Fait que, bref, j'étais vraiment comme. J'étais quasiment ému, là. Tu sais, les gars étaient là. On a fait Castlevania sur la Red Tent. Et puis, il y avait full de monde. C'était le party. L'animatrice était dedans. On était live sur Twitch. Fait que, je suis heureux, man. Tant mieux. C'est cool. Je suis plus léger maintenant. C'est fun que ça reparte ça de bon train, là. Exact. Fait que là, si on peut. D'ailleurs, là, on va débloquer un petit budget pour faire des t-shirts. Ah, cool. Je suis en train de checker ça. Je veux de quoi de vraiment ça coche. Fait que ça s'en vient, tu sais. Fait que si les sous reviennent, on va pouvoir faire des petites choses, là. Nice. Ça, c'est intéressant. Jim dans le Fly, il dit qu'il adore le Vox et le McFly à Québec. Oui, c'est deux très belles places. Le Vox, je suis allé juste une fois. Puis le McFly, je trouve qu'il n'a pas tant changé depuis. Puis c'est correct aussi. Il est plein de stock comme d'habitude, puis c'est correct. Mais le Vox, parce que ça fait pas longtemps que ça existe, puis c'est grand. Puis il rajoute du stock tout le temps, tu sais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. J'ai vu qu'il y avait une belle Dodon Patchy aussi. Ah ouais. Faudrait faire une petite run à Québec. On n'a pas le choix. Deux heures de route, se taper du Dodon Patchy en arcade. Exact. Fait que oui. Revenir humilié après ça. On n'a pas réussi. Mais oui, très cool à Québec aussi. Fait que vive les arcades, je suis très heureux. Puis merci à tout le monde qui sont déjà venus et qui viennent chez Arcade MTL. C'est très apprécié. J'aurais dû faire mon tour. Fait un petit bout, je peux aller. Ben je suis allé chez North Star une couple de fois là, avec Illy et Matt Bonin. Là, mais ben oui, Illy, l'arcade, ça fait longtemps. Il était propriétaire, mais il venait même pas dans Il allait jouer au pinball à la place. Il allait jouer au pinball à la place. Ouais. Fait que on serait rendu au prochain segment. On a un gros spectacle ce soir. Oui. On va. On est rendu à quoi, là? On est rendu au. On est rendu dans la collection, là. Attends, il faut que j'aille là. Ah, y a-tu un panneau collection? Panneau collection! Oui, on a un panneau collection. Pour les gens en audio, il y a un panneau collection que vous voyez pas en ce moment. Là. D'ailleurs, je me questionnais si on devrait avoir un jingle rien que pour comme faire step réveiller le monde en audio. Mais... Peut-être, on regardera ce qu'on fait. Ça, c'est du work in progress. Exact. Fait que première affaire qui s'ajoute à ma collection. Ça, c'est gros, mon ami. Combien ça vaut, ça, Jean-François? Ça, on peut mettre mon... le prix à l'écran. $450 exactement. Pour Metal Gear Solid au Game Boy Color. Exactement. Et puis, ça, c'est drôle parce que, bien sûr, je possédais déjà la cassette. Et j'en avais fait la critique à Retro Nouveau, d'ailleurs. Et puis, on a fait un rachat chez Retro MTL, ici, d'un lot de boîtes. Quelqu'un qui nous a vendu plein de boîtes. Du 64, mais aussi ça. Random. Pas d'insert, pas de tray, pas rien à l'intérieur. La boîte, la crée, c'est neuf, là. C'est malade. C'est débile, ça. Fait que moi, j'avais déjà la cassette. Fait que là, j'ai la boîte. Puis ici, dans nos affaires, j'ai trouvé un tray original. J'ai trouvé tous les petits inserts. Fait qu'il va juste me manquer le livret. Fait que là, ça, c'est 450 price charting. Mais le livret vaut, selon price charting, $100. Dans ce 450-là ou de plus? Dedans. OK. Fait que c'est ça. Mon montant, il est là, mais ça tient compte d'un livret qu'il n'y a pas dedans, qui vaudrait 100$. Fait que, en tout cas. Mais là, je vais pas être assez fou pour acheter un livret à 100$ puis chasser ça. Je me dis que ça va peut-être réapparaître sur mon radar éventuellement, puis je vais juste le rentrer dans la boîte et cela sera complet. Ceci dit, moi, j'avais comme l'intention de juste collectionner les jeux en de ramasser les boîtes que de Game Boy originaux, des jeux que j'aime. Ouais, ouais. Pas Color, pas Advance. Sauf, bien sûr, Gradius, Castlevania, ces affaires-là là, que j'aime vraiment. Puis les deux Zelda Oracle sur Game Boy Color. Mais au Game Boy Color, j'ai rien d'autre. Puis là, ça a popé. Puis en même temps, c'est vraiment hot. Puis c'est un bon prix. Puis j'ai la cassette. Ça vient de te lancer dans la collection des Game Boy Color. Ben, faudra que je me retienne puis que ça n'en reste à ça. Là, parce que j'ai pas tant le budget pour collectionner ça. Mais ceci dit, vous retournerez voir la critique à Retro Nouveau que j'avais fait. Ce Metal Gear-là est un legit Metal Gear. C'est pas du 1 pour 1 l'histoire de Metal Gear Solid au PlayStation 1. Mais c'est comme ça, sa propre histoire. Et puis, tu sais, même si c'est un Game Boy Color, là, tu sais, puis que c'est très primitif, t'as la même vibe de Metal Gear, là, tu sais. Ah, c'est cool. Comme je l'expliquais dans la critique. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et puis, je suis content d'avoir ça. C'est magnifique. Vous pourrez peut-être tomber sur la critique si vous écoutez les archives de Rétro Nouveau qui roulent encore sur Twitch. Je les laisse rouler. Tu les laisses rouler tout le temps. Des fois, je change de critique pour épisode de podcast complet des 242 épisodes. Fait que des fois, tu peux avoir une semaine que ça va être juste des épisodes qui roulent au complet. Là. Fait que là... Ça, c'est hot, ça. C'est moi. Ça, c'est... Des fois, je suis là. Je suis t'en donne, t'en donne. Hey, mon studio est tout monté. Tout est là. Fait que je suis comme, laisse ça rouler pour les gens. Là. Ah, des fois, absolument. Il y a trois personnes qui écoutent. Bon, au moins, il y aura deux, trois personnes qui écouteront. Ça sera ça, tu sais. Ben oui, absolument. Ben, c'est du bonheur qu'on donne. Et ben puis, ouais. On le fait vivre. C'est merveilleux. Jim 999 dans le chat, il me demande « Passer un jour avec, ben, je pense qu'il veut dire avoir la collection complète de Game Boy Color. » Définitivement pas quelque chose que je cherche Game Boy Color. Je pense qu'il y en a peut-être moins qu'au Game Boy, mais tu sais, là, au Game Boy, il y en a genre 606, quelque chose de même, je me rappelle plus. Mais non, là, ça suffit. Là, Ça fera. Tu sais, moi, j'ai pas grandi avec le Game Boy Color, je m'en sac. Moi non plus, là. Mais je veux... Mais j'adore, par contre, découvrir les gems de Game Boy Color. La pocket est merveilleuse pour ça, tomber sur des petites gems de Game Boy Color comme ça. Là. Ah oui. Puis juste popper une petite cassette de Game Boy Color dans la pocket, là, puis faire la game, tu sais, quelle belle expérience. Prochain jeu, je sais pas si c'était lui dans l'ordre. Ah, il n'y a pas d'ordre. Moi, j'ai... Il n'y a pas d'ordre. Alors, c'est Speedy Gonzalez. Speedy, arriva! Speedy Gonzalez, Los Gatos Bandidos. Un gros 15$. Un gros 15$, mesdames et messieurs. Une belle cassette de Super Nintendo qui s'en va dans ma collection. Et puis ça, c'est drôle parce que c'est un late release made assemblé au Mexique. Assemble in Mexico. Je vais essayer qu'on le voit. Et puis, il n'y a pas de version made in Japan de ça. Et puis donc, c'est de la série des labels cheap de marde, MA. qui sont pas lustrés puis que genre qui pognent n'importe quelle intempérie puis qui se décolore puis qui devient dégueulasse. Et c'est un jeu publié par Sunsoft. Acclaim aussi. Acclaim Sunsoft. C'est bizarre hein, Acclaim Sunsoft. Ah ouais. Je sais pas qui l'a publié puis qui l'a développé ou les deux l'ont publié, je sais pas. Faut aller voir. Mais tous les jeux de Sunsoft qui ont le logo Sunsoft avec Aero the Acrobat dessus sur le cover ont pour la plupart sont tout le temps des labels Mexico de merde. Donc voilà. Et puis pendant que tu checkes ça, moi je vais regarder autre chose aussi. C'est Aztec Adventure, c'est ça? Non, c'est pas lui. Non? Los Gatos Banditos. Ah, Los Gatos. Et je remercie Robin dans le chat qui salue mon accent. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, je vais aller voir le décompte des cassettes de Super Nintendo. Super NES, développé par Sunsoft, publié par Acclaim. Ah ouais. Donc c'est Sunsoft qui l'ont développé, ouais. Parfait, ça. Je vais checker ça. Puis pour vrai, je suis curieux de l'essayer, là. Parce que ça a l'air d'être un correct platformer. Puis si c'est Sunsoft, ça doit être de la bonne musique et tout. Alors, pour vrai, celui-là, je vais l'essayer. J'en suis très curieux. Et puis, comme je disais, vu que ces labels-là sont cheap, c'est très difficile d'en trouver un avec un beau label. Puis ça nous est apparu ici en magasin chez Retro MTL avec un label parfait. La cassette est parfaite. Vous voyez en arrière ici, vu que c'est cheap, là, c'est comme... Ben ouais. Le sticker, il est jaunasse. Là. C'est pas parce qu'il est usé, il est fait de même. C'est juste une mauvaise qualité de print et de papier. Là, fait que c'était ça à l'époque. Fait que, wow, j'étais épaté que cela fasse juste apparaître sur le radar comme ça. Ce qui porte le compte à 700, précisément. Alors, il me manque 22 jeux pour finir le full set de Super NES. Et puis, de ces 22 jeux-là, je suis curieux de voir ta liste, savoir si je n'ai pas chez nous dans mes jeux à moi. Écoute, je peux te le dire. On a le temps. Adventures of Rocky and Bullwinkle. Non. Aero the Acrobat 2. Non. C'en est un de mes gros, ça qui me manque. Brutal, Paws of Fury. D-Force, Demolition Man. Elite Soccer. FIFA 97 Gold Edition. Frankenstein. GP1 Part 2. Head-on Soccer. Géopardy. Le normal, là, Géopardy. Paul Deluxe, là, derrière ça. Lamborghini American Challenge. Mickey's Ultimate Challenge. No Escape. Pack in Time, Redline F1 Racer, The Sporting News Baseball, Sterling Sharp End-to-End, Super Goal Syndicate, ça c'est mon gros à 225$, puis TNN Bass Fishing. Fait que il y a facilement le 4/5e là-dedans que c'est du filler. C'est, du filler, là, ouais. C'est pas dur là, pour vrai. Là. Tu vas juste tomber dessus random dans un low money. Là. Exact. Ben, tu sais, c'est ce que j'attends un petit peu parce que je suis un petit peu plus serré sur l'argent présentement. Puis j'ai comme pas envie d'allonger genre 700$ d'un coup pour clairer ça. Ouais. Fait que. Mais je pourrais. J'ai essayé. J'étais allé sur d'autres boutiques. Au Canada, aux États-Unis, j'étais allé chez les bons vieux Lucky Games, exact. Je me suis fait un panier, puis j'ai comparé la valeur du panier à la valeur price chart. Bien sûr, je m'attends à payer un peu plus, mais là, c'était le double. Mais là, ça n'a pas d'allure que je paye le double de la valeur price charting, le double là, pour du filler, tu sais. Tu sais, ici, chez Retro Montréal, le feller, on le price au prix de price charting, nous, une petite crotte au-dessus, mais pas le double, tu sais. Je comprends que c'est ça. Le price chart, il n'y a personne dans le monde des boutiques qui affiche à price charting. Tout le monde est au-dessus. Mais ça peut pas être outrageusement au-dessus comme ça. Je trouve que ça fait aucun sens. J'ai vu d'autres boutiques au Canada, man. Je les nommerai pas, mais voyons. Même en rabais, il était comme bien plus cher que price charting. T'sais. Puis c'est que price charting, faut pas que ça soit à la base. Je veux dire, faut pas que ça soit ça que tu t'attends. C'est la base, mais c'est toujours boosté. Mais c'est là, comme l'équivalent de l'évaluation municipale de ta maison. Ah, c'est tellement beau. C'est ça que le prix que les autres ils te disent, mais c'est clairement en haut de ça, un petit peu, au moins. Là, c'est exactement ça. Price charting, c'est l'évaluation municipale. On ferme le show. Sais-tu qu'est-ce qu'on vient de vivre, là, JF? Un beau moment. Le parfait segment pour notre prochain clip TikTok. Ben oui. Voilà. Mais là, on est en petit dans le coin, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, c'est pas grave. Faut que je mette un autre jeu dans pour combler l'affaire. Dernier jeu qui s'ajoute à ma collection ici, Princess Peach Showtime. Et puis, j'en parlerai pas longtemps parce que, en fait, je vais en parler beaucoup après parce que ça va être ma critique d'aujourd'hui. Alors, j'ai acquis ça. Et puis, c'est 80$. Certains diront que c'est pas un jeu qui en vaut autant, qui aurait dû être au même prix que Captain Toad, c'est-à-dire autour de 50$. Mais cela, on pourra en débattre par la suite. Alors, disponible partout et surtout chez Retro MTL, mesdames et messieurs. Regarde-moi ça, c'est beau, le beau rose. J'adore ça. Magnifique. C'est magnifique. Fait que c'est tout déjà pour cette semaine. J'ai été raisonnable. Petite semaine, c'est bon. J'ai été très raisonnable, je suis fier de moi. Fait que, c'est l'heure d'aller en critique déjà, Jean-François. Ouais, puis on va rester dans ce overlay-là pour l'instant parce que je cherchais un peu comme une thématique pour faire mes critiques de jeux rétro parce que j'étais comme, comment je vais choisir à quoi je joue puis qu'est-ce que je critique? Fait que, je vais revenir dans mon enfance puis ce qui m'a marqué quand j'étais jeune. Et ça commence par cette cassette ici que j'ai... Oups, là, je me suis pété l'écouteur. Il a pété ses écouteurs. Je vais la placer pendant ce temps-là. Fait que là pour comme les... on a tous eu dans la jeunesse, puis que je pense qu'on a parlé à Rétro Nouveau peut-être souvent, mais on n'a jamais. Riches. Ben, peut-être juste les riches. Les fameuses multicartes Famicom NES, là. Exact. Ben, j'en ai une ici de 42 à 1, qui est mon original, en fait, là, que j'avais quand j'étais très très jeune. Là. Jeune Jean-François, 5 ans, jouait au Nintendo dans son sol. Donc voilà, c'est là-dessus. Je veux juste expliquer vite aux gens. Ouais, ben, allons-y, ça. Parce que ça ici, ça l'a lâché. Ça ici. Là, désolé pour ceux qui sont en audio seulement, mais ce que je touche présentement est Doki le haut Doki de, Panic, d'ailleurs. Est le, oui, est le haut de la chose séparé en deux. Ça a un format de cassette Famicom. Ouais. Alors, c'est bootlegué sur la shape d'une cassette Famicom. Puis, pour que ça fonctionne, ils fournissaient un adapteur 72 pins pour que ça fonctionne dans Nintendo américain. Là, ils pluguent ça ensemble, un dans l'autre. Et puis, voilà... Tu peux rentrer ça dans ton Nintendo. Puis là, quand tu veux sortir la cassette, si tu tires là-dessus, ça va déploguer. Fait qu'il fallait que tu tires sur le ruban. La petite langue. Ouais, le petit puis ruban. La languette a fait venir la cassette comme ça de dedans ton Nintendo. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que c'est ça. Mais quand on était jeunes, nous autres, on n'osait pas séparer ça. Là, on est comme, mon Dieu, ça va briser. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Moi, je séparais. parce que quand il y avait des problèmes techniques, ben, j'avais le double, triple endroit pour souffler dans la cassette. Là, exact. Ben, ça, c'est une autre affaire. Ouais, il y a beaucoup d'orifices. C'est ça, là. Le NES puis les trois orifices de la cassette Famicom. Là, Donc, c'est ça, c'était là-dessus. Donc, un beau line-up, je vais le mettre de l'autre côté. Là. Je sais pas si on va le voir, le line-up, ou toi, tu vas peut-être le voir même mieux que les autres, là, mais c'était en fait, je reviendrai. Tu sais, il y avait des jeux classiques. Là. Mario était là-dessus, là. Excitebike, Battle City, là, l'affaire de Tank. Là, les... Ah ouais. Mario Bros, puis des versions de Mario Bros hackées. C'était plein de bootleg, puis d'affaires un peu weird. Et que dire de l'excellent Ninja. Ninja, Donkey Kong. Donkey Kong Junior en bas. Oui. Mais moi, j'aimais beaucoup B-Wings. B-Wings, ben oui. C'était un shmup, ça, là. Et puis, c'en était un bon. Puis on a eu l'original ici au Famicom en magasin il n'y a pas longtemps. Cool stuff. Mais tout ça était comme bootlegué, pas tant légal, là, tu sais. De ah, il n'y a rien de légal là-dedans. Fait que je sais pas comment ça a fonctionné qu'on s'est ramassé avec ça au Québec, là, par les distributeurs, puis les vidéos de l'époque, les magasins devaient appeler pour commander ça du Japon, j'imagine, là. Ah, ouais, puis il y en a eu, là, c'est quoi? Oui, j'ai des pertes de mémoire, c'est la démence. Micro Genius, qui ont fait une console, même, puis tout, là. Hey, Ramio Brothers. Oui. Ça, c'était Mario Bros. C'est Mario Bros, mais avec, genre, des sprites un peu modifiés ou des mini-détails, genre, changés dans le code, des affaires. Ah, ouais, ben, ils faisaient ça aussi, des fois, en effet. Mais tu sais, là-dessus, je veux dire... C'est Othello, Dick Dog quand même, le Kung Fu, Load Runner, Milk and Nuts, Shack and Pop, Frontline que j'ai toujours détesté jouer, mais Ice Climber, Clou Clou Land, Balloon Fight, il y avait des bons jeux. J'ai une belle jeunesse avec ça. Ah, et oui. Aujourd'hui, je veux qu'on s'attarde au numéro 4 sur cette cassette. S'attarde au numéro 4, mesdames et messieurs. Parce que quand j'ai nommé... D'une 42 en 1, par contre. Parce que si c'est une 260 en 1 ou même une 1000 en 1, ça peut être un numéro différent. J'ai déjà vu des 32 en 1, puis ma tante avait une 52 en 1. Ça, c'est pauvre, ça, quand même. Quand même. En bas de 100, là. C'est une 42, moi, tu sais. J'étais un gars de Pointe-Saint-Charles. Ça, fait qu'il faut pas me demander trop, là. Wow! C'est bien vrai. Donc, qu'est-ce que tu disais? C'est numéro 4, là-dessus. Numéro 4, que quand je te l'ai nommé, l'autre fois, en joke, tu as dit « Ah oui, c'est un jeu de marde, là. » Je suis comme « Ben là, il faut que j'en parle. » Si c'est considéré comme un jeu de marde. Ben donc, non, mais c'est pas parce que je dis que c'est marde. Je sais, c'est, mais je me dis que ça ferait quand même un bon segment si on parlait de ça. Éduque-nous, Jean-François. Allons-y avec. Là, oui. L'excellent, entre guillemets, Road Fighter, développé et publié par Konami. C'est disponible sur NES, Arcade, MSX, PS4 et Switch parce qu'ils l'ont comme refait, là. Voyons, Chris, c'est quoi toutes ces. C'était disponible sur Famicom seulement, non? Non, parce que ça a commencé à l'arcade, puis il y a eu un port Famicom, après ça, il y a eu un port NES, donc il y a plein de versions weird, mais ça, c'est ce qui donne sur le genre de wiki, en fait, là. Ah, ouais, hein? Mais okay. J'ai pas tout mis au complet. Oui, c'est plaisant, Fred, dans le chat, qui dit « C'est plaisant, Road Fighter ». T'as bien raison, c'est plaisant. Ben, j'ai joué, j'y avais joué. Ça n'en fait ça un bon jeu pour autant? Pas nécessairement. Bon, là, on peut regarder la pochette, qui n'est pas la vraie pochette, effectivement, parce qu'il a fallu que je... Il y avait, honnêtement, sur Google, deux images de pochette, dont une qui avait le prix comme dessus, avec un étampe, parce que c'était dégueu. Puis l'autre, c'était, j'ai écrit PAL World, donc la version Europe, qui est celle que j'ai joué pour rejouer avec dans ma pocket récemment. Ben, ça, même sur la bannière du show, c'est pas des bandes noires, c'est des bandes oranges que j'ai mis. Parce que je pense que la cassette orange. Mais ça ressemble à peu près ben, à c'est ça. C'est ça, le dessin, c'est ça. D'ailleurs, il est absolument magnifique. Là, ouais, ben oui, oui, complètement. Là, t'as le truck qui s'en vient en arrière, là, t'as rentré dedans, puis let's go. Là. Ah, ouais. Donc, Road Fighter, comme son nom le dit, c'est une course de voiture. Oui. Très iconique au niveau de tout, là, ce qu'on voit là, en fait. Il y a de la musique seulement en intro là, qui fait genre un petit genre de petit jingle de 5 secondes avant que la course parte. Ah oui, c'est vrai. Et c'est un jeu qui va comporter seulement 4 tableaux, mais qui est excessivement difficile et qui ne pardonne pas. Donc là-dedans, OK, c'est un jeu défilement vertical, en fait. Là. C'est un peu comme un shmup d'auto, mais que tu tires pas. Certains pourront dire un Spy Hunter des pauvres. Oui, mais c'est là que je m'en allais aussi. C'est un Spy Hunter que tu peux absolument rien faire sauf éviter les voitures et les collisions. Là. Donc, ouais, c'est ça. Évidemment, le but de la course, c'est de finir premier de la course. Mais tu tires pas de balles, là, rien que pour dire aux gens. Non, tu tires absolument rien. Tout ce que tu fais, c'est contrôler ton véhicule et contrôler le gaz. Donc, bon, pour expliquer, si on voit à l'écran, c'est un jeu à high score, en fait. Donc, le but du jeu étant de faire le plus gros high score possible à la fin des 4 pistes, si vous êtes capable de vous rendre jusqu'à la fin des 4 pistes. On voit, c'est écrit Fuel, donc c'est le gaz, c'est ce qui fait office de timer donc pour la course. On part à 99 et à chaque fois qu'on avance, les secondes descendent. Ouais. Et on va avoir deux boutons, donc un peu à la Excite Bike, là, un bouton pour aller jusqu'à 225 km/h. On va à côté, donc on peut peser sur le A après pour se rendre jusqu'à 400. Ah, ben, je savais pas ça. Ah, ça m'aurait sûrement aidé à performer. Oui, ben c'est sûr. Donc, tu sais, ça fait le classique. Puis tu repars le genre de son. Ouais. Donc, comme je disais, 4 tableaux. Pour un effet comme la vraie vie. Là. Ben oui, tu sais, les vrais chars deux temps. Là, c'est ça. Là. mais quand tu arrives dans le deuxième temps de la vitesse, donc à 400 km/h, ton temps va descendre plus vite. Ton essence se consomme plus rapidement. OK. Donc, tu veux aller plus vite parce que tu vas faire plus de points, mais c'est comme... Tu vas quand même te faire descendre ton temps anyway. Là. Mais moi, avec Sidebike, j'utilisais seulement B ou A, celui qui te fait surchauffer, rien que pour te restarter vite. Puis après ça, quand t'es en cruise, là, tu prends ton autre bouton. Je l'ai jamais fait de même. C'est... Moi, je faisais l'inverse. Marche. Moi, j'attendais d'à côté, puis là, je le pognais quand je voyais qu'il y avait les petites flèches qui arrivaient. Là, pour, ouais, ouais. Ah? OK. Ben, il faudra se faire une game d'Excite. Ben ouais, puis analyser notre Excite Bike. Exact, au WEG la semaine prochaine. Exa. Exote Bike. Exa. Tableau qu'on voit là quand j'étais jeune avec mon frère, on disait que c'était ma mère qui était sur le pont Champlain. Genre, side note. C'est vrai, c'est le pont Champlain. C'est pour ça que ça m'a marqué dans ma jeunesse. On n'arrêtait pas de dire ça tout le temps. J'adore ça. Dans ce jeu-là, j'ai hâte de voir la troisième course. Oh, j'ai jamais vu. Hey, man, c'est pas large. En fait, ouais, ce qu'on voit là, c'est que c'est. Première piste, en fond, c'est largeur de deux voies. Deuxième piste, c'est sur un pont. Troisième, comme on voit là, même chose, mais beaucoup plus rapetissé. Donc, c'est des très petits corridors qu'il faut passer. Donc, ça va très vite. Des fois, il y a des gens de wave là, qui te demandent de sortir et de revenir un peu dans la course. Là. Donc, le but du jeu, évidemment, c'est de dépasser les voitures. C'est en dépassant les voitures qu'on fait des points. Donc, à chaque fois qu'on dépasse une voiture, il y a un 50 points qui s'additionne. Ah! Je pense que si t'es dans la deuxième vitesse, il y a plus de points. Je pense que t'as des multipliers qui s'appliquent, en fait. Là, ce qu'on a vu, il y avait une voiture qui était multicouleur. Donc, cette voiture-là va vous donner 1000 points et vous donner un boost de 10 secondes. Faut que tu me parles du Superman qui a passé aussi. Quand tu complètes le trois quarts de la piste sans avoir d'accident, il y a un Superman ou un jet, dépendamment des versions que vous jouez, qui va passer dans la gauche de votre écran et qui va se rendre en haut. S'il se rend en haut, vous donne un 1000 points bonus. OK. Donc, c'est un bonus. OK, OK. Fait que quand t'es là, faut pas que tu te plantes. Là, non, c'est ça. Pas devant Superman. C'est mais non, c'est honteux. Là. Fait qu'il y a plusieurs types de véhicules là-dedans. Là. Des véhicules jaunes qui sont dumb, ben raides, là, qui font rien, qui font juste avancer en ligne droite. Les véhicules jaunes, t'es contourné, t'as pas besoin de t'en soucier. Tu vois des véhicules bleus et rouges qui sont. Bleus vont bouger un petit peu, les rouges sont très agressifs. Ouais, ils vont vers toi. Ils vont vers toi. Les bleus se déplacent en faisant comme. Il y a des sons. Hein. Fait que tu peux y voir venir un peu, mais c'est tough parce que quand t'as une collision. Ben, il y avait aussi un camion, comme on a vu. Là. Fait qu'il y a des il camions fait rien, aussi. Le camion, hein, le camion il fait je te fais chier. Fait que si tu rentres dedans, tu crashes direct. T'as pas de dérapage. Ah, c'est là que je m'en allais. C'est ça. Donc, quand t'accroches un véhicule, tu perds des points, mais aussi tu vas te mettre à spinner. Donc, tu vas faire un spin-out vers un côté. Ouais. Et Dom, après 35 ans de jouer à ce jeu-là, oui. J'ai découvert aujourd'hui que. Si tu te mets à spinner vers la droite puis que tu lâches le gaz et que tu pèses sur le D-pad à droite, ton char devient droit. Tu pèses dans la même direction. Dans la même direction que tu spins. Moi, j'avais tendance à peser dans l'autre sens pour me ramener. T'sais. Ouais, mais ben non. Moi aussi. Fait que c'est... ça marche pas tout le temps. T'sais. Fait qu'on dirait que c'est. Si tu vas pas trop vite puis tu lâches le gaz au bon moment puis tu pèses au bon moment, tu peux te remettre droit puis pas crash dans le mur parce que. Sinon, mais ça marche pas tout le temps. Non, fait que c'est un pensée bien. C'est à cause de l'éclipse, ça, c'est-tu? Probablement. Le monde voyait rien avec leur éclipse. Ils roulent dans une éclipse, d'ailleurs. Là. Bon, là, on vient de voir le jeu complet, là, en fait. Là, fait que, ouais, le jeu est fini. Speedrun de 5 minutes. J'ai hâte de voir la fin. Mais c'est ça, la fin, là. C'était ça, là. Ah, oh, puis ça recommence oh, au début. Mais comme tous les jeux de NES de cette époque-là. Là, de ce bon, genre-là. Ben, coudonc, on n'aura pas besoin de dépenser 500$ pour l'acheter. On vient de voir la fin. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, là, après ça, tu peux aussi au début choisir un niveau de difficulté supplémentaire. Je sais pas pourquoi tu ferais ça, c'est tellement assez dur de base, anyway. Ah, mais ben, tu peux un peu peut-être l'apprendre. Peut-être une vraie fin, une difficulté supplémentaire. Ah, faudrait s'informer de ça. Ouais. Bon, il y a des trous d'huile qui te fait déraper aussi. Là. Toutes les chars te font déraper un peu partout. Fait que tu dérapes, tu lâches le gaz, puis t'espères que tu crashes pas dans un mur parce que sinon tu perds 5 secondes. Je me rappelle, je lâchais le gaz complètement, puis des fois j'arrêtais juste avant de crasher sur le bord. Là. Ah ouais, ah ouais. Des fois, tu manques d'essence, puis la piste arrête. Là, t'as un char qui vient de bumper en arrière, puis qui peut te faire aller jusqu'à la piste. Oui, puis il te replace. Des fois, tu dérapes d'un bord, puis tu te fais bumper de l'autre bord, ça te replace. Tu peux bumper entre les véhicules. Là. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'aime bien aussi, à gauche, le petit... La map d'où t'es rendu. La map d'où t'es rendu. Là, en fait, c'est très, très linéaire. C'est un corridor avec la voiture vue de haut. Puis... Exact. En fait, à gauche, on dirait que c'est la version Pico 8 là, de ça. Là, tu sais, c'est... Oui, c'est vrai. Là, je pense que je vais le porter sur Pico 8, voir si ça marche bien là, comme ça. Tu pourrais certainement. On aurait pu même se mettre en duplex. Hein? J'ai même pas pensé pendant qu'on faisait la critique. Donc, comme je disais, si tu fais le 3 quarts de la piste, le Superman qui passe donne 1000 points. Les voitures d'essence qui te redonnent 10 secondes. Ou en fait 10 secondes de temps d'essence, plus 1000 points supplémentaires. Chaque crash t'enlève 5 secondes aussi. Fait que non seulement tu perds du temps à ralentir, pas à te crasher, puis après ça, t'enlèves un autre 5 secondes. Ouais. Fait que ça pardonne pas, tu sais. C'est vraiment, vraiment tough. C'est pas mal ça le jeu, en fait. Ouais, hein, c'est la mais base. J'ai joué. Ben oui, c'est la base. Puis dans les cassettes comme ça, les cassettes multicœurs, il y a plein de bons petits jeux que tu vas jouer 5 minutes, 10 minutes, puis tu vas avoir du plaisir le temps que tu vas jouer, qui sont bien faites. Des bonnes mécaniques. J'aurais pris un petit peu plus, tu sais. J'aurais pris je sais pas, le meilleur contrôle du dérapage ou des affaires un peu plus. Là, c'est vraiment, t'as quatre pistes, puis vas-y, puis rends-toi à la fin. Là, ah ouais, ben, c'est des vieilles affaires, ça. Là, c'est des vieilles affaires. J'imagine que ça doit être de early release. De... Ben, c'est Famicom, puis c'était, je pense que c'est genre 1986, dans ce coin-là. Là, c'est... Ah, une arcade de ça, ça doit être nice, pareil. Ouais, j'ai pas vu le les arcades, qu'est-ce qu'il y avait de l'air de ça. C'est vrai. J'avoue que ça doit être beau. Je regarderai ça tantôt. Mais voilà, c'était mon aventure de Road Fighter. Là, c'est-tu assez chargé comme jeu, ça, pour mériter une... Ben, je vais lui donner la note de 2 pommes et demie. Sur, ah ouais, sur juste ça? Ouais, c'est correct. C'est... Ben, c'est ça. C'est 50%. C'est 50%, mais ça fait la job. T'sais, j'aurais pu le faire passer, là, mais il manque un petit peu de mécanique. T'sais, comme Spy Hunter, il y a la mécanique de plus qui aurait fait que ça passe. La musique aussi. Il n'y a pas de musique, c'est juste le son de ton moteur tout le temps là, qui roule. Fait ça. Que ça vient répétitif rapidement là, de faire ce jeu-là, mais c'est pour une petite game de « Hey, j'ai goût de faire une course de char ». 2 minutes, mettons. C'est ça. J'allais dire au pire écouter un bon podcast pendant que vous gamez, mais malheureusement, ça dure 2 minutes. Eh non, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Tu joues à ça pas longtemps quand t'as un petit moment de temps à tuer. Là. Ah ben, je suis content que t'aies parlé de ça, Jean-François. J'avais plus hâte à cette critique-là que genre le nouveau God of War, n'importe quel jeu. Road Fighter. Road Fighter. La vraie affaire. Oui. Fait que je pense que je vais continuer d'explorer ce que j'ai chez nous dans physique, puis je vais l'amener pour en parler. Là. Ben, Chris, rien que là-dessus, ah, là, il y en a plein, là. T'as du beau matériel. Là, je peux faire un petit segment, là, une coupe d'affaires en même temps. Clou-clou-land, il faudra en parler. Ton là. Greatest Hits, en fait. Là. Lunar Ball là-dessus, là. Penguin Adventure. Ben, Twin Bee, en fait, là-dessus, là, le Greatest Hits. Mais tu sais, de genre Mappy. Hey. Baseball, là, là-dessus, là, j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah ouais, c'est celui du NES. Le NES, hein? Genre baseball, juste baseball. Là, c'est... Toute la base. Là. Soccer, baseball, volleyball. Okay. Ça, j'aime ça. Mais sais-tu ce qu'on devrait faire? On devrait se faire un top 10 ou un top 20 à 2, puis un épisode spécial, multicassette. Ah ben oui. On devrait faire ça. On pourrait, là. On va faire un top 20 des meilleurs jeux qu'on retrouvait sur ces cassettes-là. C'est vrai. On va devrait faire ça. Bon, ben c'est voilà. C'est décidé. Parce que j'en ai une chez nous aussi, une 1000. Mais moi, tu sais, c'est 1000, mais il y a autant de jeux dessus. C'est juste que là, t'as Tetris. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Ouais. Là, 12, 13, 14. Puis là, t'en as trop, mais c'est la même calice d'affaires. En bas, sur le l'adapteur, genre NES, Famicom, c'est écrit genre « If you find the pictures flashing or isn't operating after turning power on, please push reset button 3 to 5 seconds and relieve. It will be okay. » J'avais besoin d'entendre ça, merci. Ça vient me réconforter dans mon fond. Ce qui est quand même faux, là. Oh, oui, en plus, là. C'est comme, it will be okay, genre, ça va être correct, le gros, là. Genre, c'est pas. Ça. Appelle-nous surtout pas, là. C'est pas un problème. Taïwan, il n'y a pas de garantie aussi. On n'a pas de téléphone ici. Top 10 des jeux de baseball au NES. Moi, j'ai assez joué à des jeux de baseball pour faire un top 10 des jeux de baseball. Il y a quand même beaucoup de jeux de baseball là, au Ken NES, Griffey là. Jr. Au Spy NES est un excellent. Ouais, c'était un bon jeu, ça, de baseball. C'en est l'un de ceux que j'ai joué comme avec un certain. Que j'ai loué pour jouer puis sentir un plaisir, tu sais. Ce qui n'est pas toujours le cas des jeux de baseball. Celui qui je viens de se revoir, là, le MLB de Show 24 est très très bon aussi. Ouais, hein. Ben, excellent. Fait que, écoute, moi, je vais enchaîner avec Princess Peach Showtime. Whoop. Et puis, c'est pas ça. J'ai inversé les... Attends, on va retourner là. On je vais y aller manuellement. C'est ça que c'est passé. Affaires. J'ai inversé les affaires tantôt. OK. Bref, vas-en, puis je vais le mettre. Ben, écoute, alors, c'était une sortie, ça. Ça vient de sortir, et puis on avait tous vu l'annonce, et puis tout le monde se demandait ça allait être quoi, le nouveau jeu avec Peach dedans. Et puis, on n'avait pas eu de jeu de Peach depuis Super Princess Peach sur DS, où est-ce qu'elle-même est la vedette. Ouais, donc, ouais. J'avais fait la critique à Retro Nouveau aussi, d'ailleurs, de Super Princess Peach sur DS. C'est là qu'elle avait des émotions, puis qu'elle pleurait. Puis... Exactement. Ouais, ouais, puis on avait trouvé ça un peu wrong. Là. Les femmes ont des... sont bien... On sait bien, ils sont émotives. Fait qu'ils utilisent leurs émotions pour... C'est la magie, c'est des émotions. Ah ouais, pleure, madame. Ah ouais. C'est à peine si t'avais pas un power-up pour la mettre dans ses règles, genre, pis qu'elle devienne berserk. Plus, wow! Ça aurait été... berserk parce qu'elle a ses règles. J'aurais même pas été surpris qu'il fasse ça. Mais là, il y a pas de règles là-dedans, pis il y a pas de rien de tout ça. Non. Peach a pas ses règles dans Showtime. Mais alors, là, ce qui se passe, c'est que... Et ça a pété. Ça, ouais. Fait que tu t'en vas dans un théâtre, tu prends une marche dans le Mushroom Kingdom et puis tu reçois un avis qu'il y a des belles pièces de théâtre dans un théâtre. Fait que tu t'en vas là, puis là, le théâtre est possédé. Là, par comme à tous les jours dans le Mushroom Kingdom. Là, exactement, tout le temps de marde. Du spectacle, des gâteaux, des... Exact. Puis, ben, y a, ouais, c'est plus des champignons, mais là-dedans, il y en a du gâteau, par contre. Ouais, j'ai vu qu'on est pas dans Kirby, je me mélange. Non, mais t'es pas dans le Mushroom Kingdom non plus, là. T'es dans un théâtre. Il y a pas de champignons là-dedans. Okay. Y a aucun rien d'univers de. C'est pas Mario. Y a rien de Mario là-dedans. Mais Mario est pas là. Il n'y a même pas un cadre sur le mur. Il n'y a rien. Ah ouais. C'est okay. Peach, Peach, Peach. Fait que Peach est vraiment la vedette. Là. C'est la vedette et puis il y a juste celle dedans. Fait que dans le fond, tu rentres dans le théâtre et puis il y a plusieurs pièces. Tous ces petits bonhommes-là, ben moi j'ai joué en français, là, c'est des étincellistes. Oh! Et puis ce sont. Il y en a. Il y a des pièces de théâtre et puis chaque pièce est une vedette étincelliste. Ah, comme étincelant, comme ouais, c'est des stars. Étincelle, ouais, là, okay. Et puis bref, c'est ça. Et puis là, t'as la pièce de théâtre des cowboys et puis la pièce de théâtre de l'escrime, ben avec l'épée, là, mousquetaire, on va dire. Là, on les voit à l'écran, là. Détective, patinage, cowboy, super-héros futuriste, espion. Pas espion, bandit. Ça, c'était intéressant. Quoi d'autre, man? Gâteau, donc pâtissière. Et puis, il y en a une dizaine de même environ. OK. Et puis, il y en a quatre par étage. Et puis, le théâtre a quatre étages. Et fait que, bref, chacune des pièces, chacune des thématiques, tu vas les vivre deux fois. Ah, aussi, il y a Ninja et puis Kung Fu. Non. Oh. Fait que ça, ce sont deux très cool aussi. Fait que tu vas vivre deux épisodes, deux pièces de chacun de ces thèmes-là. OK. Et puis, quand tu rentres dans la pièce de théâtre, c'est comme chaque pièce est un événement, tu sais. C'est sont toutes différentes. C'est 2D, tu sais, au sens que tu promènes de gauche à droite. Mais c'est pas vrai, parce que tu vas en profondeur aussi des fois, mais c'est pas, je qualifierais pas le jeu de 3D du tout. Fait que ça se passe 2D, là, comme un théâtre avec une profondeur, mais des fois tu vas un petit peu plus dans le fond. Ben, c'est du 3D, mais que tu joues flat un peu dans le fond, là, c'est... Ouais, exact. Comme parce là, que c'est pas graphiste 2D, c'est ça que tu veux dire? Non, non, c'est pas graphiste 2D, mais tu peux aller vers le fond de la scène aussi. Puis des fois, il faut que tu marches vers le fond aussi, puis il se passe des choses un peu en background. Okay. Mais c'est pas... je sais pas comment l'expliquer, là, tu sais. Mais ça a une certaine profondeur. Puis chaque pièce de théâtre est absolument magnifique. Tous les décors sont très théâtre, là, comme des personnages en carton et puis des ficelles qui pendent du plafond pour tenir des affaires. Puis c'est super bien fait. C'est absolument magnifique, pour vrai. Et puis chacun des types de gameplay est différent. Mais très simple, tu sais, comme l'épée, t'as un coup d'épée, puis tu sautes. Et puis, comme ninja, t'as des coups de couteau, comment est-ce qu'on appelle ça, de kunai, et puis tu sautes. Mais tu peux aussi sauter un peu sur les murs. Ah, oh, c'est intéressant. Ah. Là, Peach Bandit, voleur, en fait, elle a un grappin. Fait que tu grips sur des choses, ça, c'est quand même nice. Et puis, Peach Détective, il était quand même un peu différent. Peach Détective, tu cherches des indices. Puis tu gardes ton doigt sur le bouton pour pointer une direction où est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose de louche. Puis si tu réussis, ça unlock une partie puis tu continues la pièce. Puis sinon, tu perds une life. Fait que ça, c'est cool parce que c'était pas action-oriented. Puis c'était juste comme de chercher à des places. Mais quand même très, très simple, tu sais. Peach en dessous de l'eau, elle chante, tu sais. C'est une sirène qui chante. Sirène, fait que cette affaire-là. Peach pâtissière était différente, elle, des autres. Elle, c'était vraiment des mini-jeux de crémer des gâteaux ou de pitonner, mais juste assez longtemps pour faire des muffins. Je pensais que ça allait être un jeu de mini-games beaucoup plus que ça, mais ce n'est pas un jeu de mini-games. Okay. Il y a juste dans les gâteaux que c'est mini-game. Donc, il y a juste Peach pâtissière qui est mini-game seulement. Puis, il y a Peach détective que c'est t'explores puis tu checkes les indices, mais toutes les autres sont action-oriented. Puis ils se ressemblent plus. Donc, c'est ça. Et puis, écoute, on va se le dire, là. Ce que les gens reprochent à ce jeu-là, c'est qu'il est très, très, très enfantin. Et c'est vrai. Et puis, c'est très facile, comme très facile. Ouais, j'avais lu que c'était trop court aussi, là, selon certains. Là. Ben, moi, je trouve pas, pour vrai, parce que dans chaque niveau, tu peux ramasser des étoiles et puis un ruban. T'as une petite étoile qui te suit, là, Stella, qu'elle s'appelle. Bon. Et puis, quand t'as pas de suit, puis tu commences le niveau, t'es pas transformé encore. Fait que là, tu donnes des coups de ruban, tu sais, tout ça. Mais ça dure jamais longtemps parce qu'après ça, tu deviens le personnage de ta pièce de théâtre, tu sais. Mais puis elle a suivi tout le long. C'est un beau concept, pareil. C'est absolument magnifique. Et puis elle sert pas à grand chose, mais bref, tu peux ramasser des rubans pour elle dans chaque niveau. Et puis, donc, dans chaque niveau, tu as un nombre d'étoiles à ramasser et un ruban. Puis, moi, je voulais ramasser toutes ces affaires-là. Fait que c'est ça. Des fois, les étoiles sont très faciles à deviner où est-ce qu'ils sont, tu sais. Puis des fois, non. Fait que, faut que tu... là, à la fin, tu as tout ton décompte d'étoiles. Comme, fuck, j'en ai raté deux. Mais là, tu peux refaire le niveau pour essayer de les ramasser. Ouais, ouais. Et puis, le gros, gros, gros bémol de ça, c'est que je trouve... Moi, ça me dérange pas de refaire les niveaux, tu sais. Je sais où aller. J'ai comme, ouais, ah ouais, c'est là que j'ai chié. Ou je suis pas mal sûr que ça va se passer là. Mais moi, ce qui me dérangeait, c'est que je suis obligé de me retaper tous les dialogues. Tu peux pas les skipper. Ah, c'est poche. Puis il y a beaucoup de dialogues quand même, parce que bien sûr, c'est une pièce de théâtre. Alors, les petits bonhommes, ils parlent et puis il se passe beaucoup de choses à l'écran. Puis il y a du dialogue. C'est niaiseux que tu puisses pas skipper ça. Ça a une aucun fois, sens. Si tu le fais une fois après ça, donne-moi l'option de skipper. Exact. Ça n'a aucun sens qu'on puisse pas skipper les dialogues. Sérieux, c'est contre un. Des fois, je suis comme, ah, je veux le refaire, mais je sais qu'il y a beaucoup de dialogues au début, puis ça me gosse, je vais aller faire autre chose, tu sais. Ça, c'est très, très, très décevant. Et puis, j'aurais aimé aussi que, tu sais, mettons, tu retournes dans le niveau, tu ramasses une étoile qui te manquait, tu peux juste quitter le niveau tout de suite, sans être obligé de le rendre jusqu'à la fin, là. Start, quit, puis tu reviens à start, map. Start, save, quelque chose. Puis, ça, ils te permettent pas de le faire non plus, tu sais. Puis, non plus dans le niveau, mettons, tu sais que ton étoile, tu l'as. Ton compte d'étoiles que tu ramasses, il suit, tu sais. Fait que, mettons, t'en as 5, la 6, tu l'as pas, la 7, tu le sais que où est-ce que t'es rendu, elle doit être dans ce coin-là. Puis des fois, tu le rates. Puis tu peux pas revenir, tu sais, dans la séquence d'avant. Fait que, faut que tu fasses le niveau complet. Fait que si on avait pu même découper chaque pièce avec des séquences, puis retourner faire des séquences. Des scènes, des là, scènes par pièce, comme tu dis. Puis il y a des scènes différentes dans chaque pièce, ça aurait pu être bon, tu sais. Mais en tout cas, fait que ça, je reproche ça beaucoup. Il y a des sections très intéressantes sur rail aussi quand t'es à cheval ou quand t'es dans les airs en super-héros du futur, tu sais, que tu pognes des affaires, t'es pitch. Tu sais, c'est très beau, c'est très créatif, c'est magnifique, la musique, tu sais. C'est un très, très, très beau jeu, tu sais. Oui, c'est facile, mais c'est pas si court que ça, tu sais, quand tu prends le temps de... Tu sais, tu veux battre ce jeu-là au plus vite, tu vas le battre vite. Ouais, ouais. Puis ça va être fini. Tu vas dire, bon, ben c'était ça. Mais si tu prends le temps, tu sais, de le savourer puis de l'apprécier, ben, crime, tu vas peut-être en avoir un petit peu plus pour ton argent, tu sais. Puis, tous les niveaux, un coup que tu les as faits deux fois chaque, ça unlock une porte dans le sous-sol de l'étincelliste de ces scènes-là, genre l'étincelliste épée. Fait que là, tu fais encore un autre run, très courte, d'épée, okay, avec lui qui est dedans le niveau, okay, puis là, okay, tu combines, puis là, c'est une autre histoire, puis t'as des boss. Okay, okay, Fait qu'il y a des boss à tuer là-dedans aussi et tout. Fait que bref, il t'en rajoute encore des choses à faire, là. Puis il faut que tu fasses toutes ces affaires-là pour pouvoir finalement affronter la boss finale. Puis à chaque étage, il y a un boss d'étage, et puis il y a une boss finale. Puis les boss d'étage sont tous très différents les uns des autres. Il y en a un qui c'est même pas un boss que t'affrontes one-on-one, tu sais, faut que tu cours autour de lui, tu montes des escaliers, lui, crache partout, faut que t'évites. Puis, tu sais, c'est tout très différent, donc très créatif aussi, là. Pour vrai, j'ai adoré ça. Puis le boss de fin, tu sais, je vais spoiler un petit peu, juste pour sa forme, parce que ça m'a pris complètement par surprise. C'est style Space Harrier dans le gameplay, là. OK, t'sais. Ah ouais? C'est pas genre du platforming, là. C'est du shmup, là, quasiment, là. Ah, c'est pourquoi ils font tout ça? Des dernières années, les jeux, que t'as une mécanique qui est aucunement du shmup, puis ton crise de jeu finit en shmup tout le temps. Ouais. Pourquoi? Arrêtez ça! Mais shmup Space Harrier, là, tu sais, comme vu de derrière, comme j'en revenais pas. Là. Puis c'était super le fun pour c'est le fun, tant mieux, là. Ah non, j'ai adoré ça. Moi, j'en aurais repris de ça, là, à côté, là, tu sais. C'est pas tout le temps le cas, là, mais. Non, c'est pas tout le temps le cas, mais là-dedans, ça l'est. Ah, là, tant t'sais. Mieux, bon, ok. Fait que c'est ça. Non, écoute, moi, pour vrai, puis j'ai joué à ça pendant 3 semaines. Là. J'ai joué à rien d'autre. Pas 3 semaines à temps plein. Ouais, c'est sûr. Mais j'avais d'autres jeux que j'avais commencé, puis j'ai tout mis sur pause parce que j'avais commencé ça avec mon gars. Puis finalement, ben ça joue juste à un. Ça, c'est peut-être un autre bémol aussi. Ouais, tu peux pas participer à deux. Fait que c'est starté une game, j'ai starté ma game. Puis c'est tellement relaxant. Il aurait pu mettre Pauline dedans. Ah, peut-être. Mais en même temps, il faut que ça soit le show à Peach. J'avoue, c'est le show de bar, c'est ça aussi. Je comprends le choix. Ouais, ouais. Mais où ça aurait pu être le deuxième joueur Festella, la petite étincelle. Puis il aurait pu se promener pour trouver des indices. Peut-être. Ils sont bons en plus dans ça, Nintendo, de mettre un deuxième joueur qui sert à peu près à rien, là, si tu fais juste comme te promener. Là. Absolument. fait que c'est ça, tu sais, moi j'ai joué beaucoup, là, que à ça pendant 3 semaines. J'ai pas honte de le dire. J'avais full de plaisir à refaire tout. Là, j'ai fini le jeu. J'ai pas tout ramassé parce qu'il y a des places, j'y arrive pas. Puis je comprends pas. Mais là, c'est vrai que ça commence à faire un petit bout que je joue. Je voulais passer à autre chose. Là, mais c'en est l'un de. Je me dis, peut-être un moment donné, je vais leur popper. Puis aller me rechercher 2-3 étoiles qui me manquent. Puis aussi, tu ramasses du cash en masse. Surtout en fait, tu refais les niveaux toujours. Puis que tu peux acheter des robes et d'autres rubans pour celle-là. Fait que moi, je voulais acheter toutes les robes, man. Puis là, quand tu finis le jeu aussi, te permettre d'acheter des sacoches. Non, justement, c'est pas si fake que des souliers. C'est la déco pour le théâtre. Donc, même quand tu finis le jeu, tu peux faire d'autres affaires encore. Fait que ce jeu-là, il donne, là, tu sais. Il en donne beaucoup, pour vrai. Je comprends pas pourquoi les gens, ils disent c'est court, c'est de la merde, puis c'est bien... J'ai trouvé ça, c'est un excellent jeu. C'est très bon, c'est très fort. Parce que les gens. Là, c'est ça, les gens. Dans le chat, il y a Jim qui te demande si tu dirais que c'est un excellent jeu à faire avec un enfant de 8 ans. Ah oui, absolument. C'est un excellent jeu à faire avec de jeunes enfants. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas facile partout, là. C'est pas Kirby Epic Yarn, tu sais, ou... Il y a l'air d'avoir du platforming quand même un peu. Oui, c'est ça. Que tu rajoutes un grappin, il me semble que c'est une complexité de plus pour un enfant. Oui, puis les niveaux sur rail, des fois, ça peut venir vite, là, où il y a des choses qu'ils vont peut-être pas voir parce qu'ils sont pas gamers comme nous autres. Là, mais oui, c'est un jeu parfait pour les enfants. Puis moi, je vais le recommander en magasin ici, en masse pour les jeunes enfants. Puis c'est ça. Fait que, excusez, je lisais dans le chat, qui demande, tu l'amèneras à votre fin de semaine de gaming en gars? Ah, on a beaucoup de schmop à faire dans cette semaine-là. Je pense pas l'amener. Beaucoup pour de ça. Bacon aussi à manger. Là, bacon, des schmop. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'il y a une question du public. Plus tard, parlons pas. On va en reparler. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça pour Peach. Écoute, moi, j'ai adoré ça. Et puis, faut pas hate ce jeu-là du tout. Au contraire, c'est très bien fait. Mais oui, ça aurait pu être tellement plus. C'est pas un Mario Wonder, là. C'est très. Sur rail, c'est très imposé. Avoir très peu de jeux qui vont être Mario Wonder, par exemple. J'ai l'impression que c'est grandiose, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pas un monde ouvert, c'est répétitif. Ouais. Fait que oui, il n'y a pas eu un investissement de la part de Nintendo là, aussi profond qu'un jeu de Mario. Mais il est très beau, par exemple, le jeu, je trouve. Ben, puis il est original. C'est très original. Fait que pour toutes ces raisons, je vais donner un 3 pommes. Un 3,5 pommes. 3,5, c'est ça. 3,5. 3 pommes et demi. 3 pommes et demi sur 5. C'est vrai que c'est plus beau de dire 3 pommes et demi. Fait que j'aurais donné plus si ça avait été un petit peu plus... plus de challenge. Ben, tout ce que j'ai dit depuis tantôt. Là, fait que très bon jeu. Excellent. Voilà. C'est Peach. Peach, c'est le show de Peach. Voilà. Ah, ben là, ça va être le show des... On est-tu genre aux questions? Ça va être le show des questions des Patreons. On va y aller comme ça. On peut entendre la magnifique musique des questions, mesdames et messieurs. Alors là, j'ai fait ma publication Facebook, comme d'habitude, pour amasser des questions. Ben oui, il y a beaucoup de stock. Il y a beaucoup de stock, puis je l'ai fait aussi sur Instagram par accident, parce que habituellement, je le décoche. Rien que parce que je veux pas qu'il y ait des. Puis là, je veux pas avoir des questions dans le Patreon, puis des questions sur TikTok. Tu sais, à un moment donné, ça finit plus. Mais sais-tu quoi? On va faire Facebook et Instagram, parce que faut encourager Instagram aussi. Ben oui. C'est le futur, pas mal plus. Facebook, c'est des vieux couteaux comme nous autres. Ben, c'est ça. On a commencé sur Facebook, il n'y avait rien d'autre. Fait qu'on on a passé d'avant Facebook à après Facebook dans notre carrière de podcaster. Là. Exact. Puis on a. Moi, j'ai bâti mes affaires sur Facebook. Moi, c'est beaucoup. Mon reach est sur Facebook, mais je comprends qu'il faut transférer ça tranquillement. Ben, la meilleure façon pour nous autres, c'est ce qu'on fait, les petits vidéos TikTok. Là. C'est rendu en vidéo. On est rendu là. On est rendu là, puis on essaye. On est avant notre temps beaucoup. Là. C'est ça. Fait que je vais m'ouvrir une Pilsner de Lagerbrau. Moi, j'ai pris une petite 100 jours maintenant, donc voilà. Ah, tu viens d'ouvrir, toi? Ouais, je vais être l'inverse de toi, en fait. On est à l'envers. Non, Je trouve que la 100 jours goûte plus, fait que je la mets après. Ah, c'est vrai. Voilà, donc, question du public maintenant. Alors, première question. De Dominique Hostigui. Là, je ne sais pas si... Dominique Hostigui. Je n'ai pas le temps de dire Hostigui. Je ne sais même pas s'ils sont dans l'ordre. Pas bien grave. Je vais commencer... Ah non, c'est ça. C'est pas bien grave. Il n'y a rien de grave là-dedans. Dominique Hostigui, top 5 de vos meilleurs classiques gastronomiques pour vos WEG. Ah boy. Ben, on a un menu qui est quand même assez steady au WEG là, qu'on refait parce qu'il a été testé et prouvé pendant des années. Bon, le dernier WEG, on a racheté l'élément plancha, ce qui vient un peu nous aider à c'est faire. Quoi une plancha, Jean-François? Un griddle en anglais, donc une plaque de cuisson, une plaque chauffante, là, comme dans les restaurants un peu. Comme Saint-Belle-Province qui font tes hot dogs en arrière. Là, exactement. Qui, donc, c'est une grande plaque là, en fonte là, qu'on a avec des brûleurs en dessous que j'amène pour faciliter le faisage de bacon et d'hamburger et de sortes d'affaires. Là. Oui, parce que c'est ça. C'est, premièrement, cette chose-là t'appartient. C'est à moi. Puis à toi, ça fait partie de de ma cour barbecue. Là. C'est ça. Puis t'as un maître de la viande. J'essaye. Ça, c'est nouveau. Ouais, que tu nous smokes du bacon. Ça fait une couple de ça fait c'est le troisième que je fais de troisième. Ça va être le troisième. Troisième fois, ouais. Là, on était plus. Fait que j'ai comme sous-estimé le travail de faire plus de bacon. Fait que mon frigidaire en ce moment est plein de bacon, mais genre des grosses slabs de flan de porc, là. OK. Fait qu'il y a comme flan de porc, dans le milieu de les deux. Une coupe d'affaires, genre des yogos puis des trucs. c'est juste bacon en ce moment dans un le frigidaire. Un pot d'humus. Genre, là. du jus de mon gars, là. Ouais, ça doit sentir le bacon. Ah, ça sent pas le bacon tant ça que ça sent rien. Pas... Mais à soir, on revient, là, puis cette nuit, je fais fumer le bacon à froid durant la nuit. Fait que là, ça va sentir le bonheur dans mon frigidaire. Ah, oh, my God. C'est tellement bon, c'est tellement hot. Puis le matin, on fait des déjeuners. Là-dessus, on enligne genre 24 œufs en même temps, puis tout. Plein d'œufs, plein de bacon, plein de let's go. Là, on va acheter l'élément de la Bologne cette année, je pense. Là. Ouais, ouais, il y a des demandes pour avoir du ballonné cuit dans la poêle, mais là, cuit ça à plein de chats. Ça, c'est un délice de mon père quand t'es jeune. Ah, moi aussi. De genre, nous faire des petits chapeaux. Là. Oui, comme disait Michel Tremblay dans son livre, avec du ketchup. Moi, j'adorais ça. Ouais. Fait que le repas, les repas traditionnels qu'on avait, c'était la grande hot dogueria du Wegger le vendredi. Ouais. Donc, hot dog avec des options sauce Michigan. Pour mettre de dog Michigan possible avec sauce disponible. Sinon, variété de condiments à notre disposition. Exact. Toutes. Là, toutes. Tu veux mettre des Doritos dedans, tu peux. Craft Dinner. Craft Dinner, ouais, c'est vrai. Comme tout ce que tu peux mettre là-dedans, là, course-là, etc. Fait que des gros hot dogs pour tout le monde. Après ça, c'est des tacos. Donc, on avait tacos et burritos. Ouais. Puis on faisait des gorditas. C'est quoi? C'est un fajitas mou avec du fromage dans lequel on va mettre un taco dur. Oui. Avec du poulet et de la viande et qu'on va refermer et faire un peu fondre tout ça. Donc, absolument. Boucher d'artère, là. Ah, ça, c'est ballonné de la vraie viande. Ben oui. Ben oui. Fait que gorditas. Les gorditas. Ça, on avait c'est un de nos Wegger chefs qui s'en occupait, mais là, il a laissé la tâche un peu de cuisiner. Fait que là, on en a plus. Mais c'est pas grave. On continue par contre le smoked meat. On a commencé ça. On achète du Pete smoked meat, il me semble, qui est absolument incroyable. Fait que là, on a des grosses soirées de smoked meat, des gros Chris, on en a. Ouais, c'est. Puis il en reste là, qu'on... Là, il en reste qu'on distribue dans les déjeuners, dans la sauce à spaghetti. Ouais, parce qu'on fait un souper spaghetti maintenant avec genre de la salade spaghetti avec la viande de la ferme fumée qu'on n'a pas fini si de manger. Si tu veux pimper ta sauce à spaghetti déjà de la viande. C'est ça. Mais on a de la César. On a de la César aussi, de la salade César. La César. Dont j'ai perdu un pari. D'ailleurs, je dois encore de la bière à Montréalien dans le chat. Okay. Moi, j'avais dit, voyons, Chris, on fera pas genre 8 pommes de salade. Là. T'sais, les gars, ils sont calices, là. T'sais. On en a mangé. Ils m'ont obstiné, on les a toutes faites, puis ils sont toutes mangées très rapidement. Fait que tu vois que les gars, ils ont besoin de green un peu aussi après m'avoir mangé du brun et du rouge pendant 3 jours. C'est ça, t'sais, on a pas de bidet là-bas, fait qu'il faut ménager notre popotin. Salade de viande. Ouais. Puis les déjeuners, ben c'est des hash browns, des pastilles. Du bacon. Ouais, des pastilles pour se faire des McMuffin. Des fois, on a ça. Des porc. Là. Ouais, des galettes. Là, Exact. Mais là, aussi, vu qu'on est à un nouvel endroit, il y a une pizzeria, une place qui fait de la pizza pas loin qu'on veut faire. Vous aviez fait un WEG où est-ce que j'étais pas là, qu'il y avait une pizzeria pas loin. On a été accueillis en héros par le propriétaire. Oui, parce que c'était un fan de Rétro Nouveau qui écoutait et qui savait un peu que c'était quoi le WEG. Puis juste pour nous autres, le soir 1, tout le monde est ben trop énervé pour faire de la bouffe. Ah ouais. Fait qu'on soupe à 9h parce que tout le monde est en train de boire de la bière puis de jaser. Puis comme, ah fuck, faut que quelqu'un le fasse. Ça règle tout. Là, comme, hey, prends-toi des slices. Pizza, on checkera demain qu'est-ce qu'on fait. Là. Exact. Fait que ça, on veut le répéter pour la première soirée cette année, donc jeudi prochain. Ça, on est en train de le setter. Il y a quelqu'un qui va pick-up la pizza en montant parce qu'on n'arrive pas tout à la même heure. Fait que pas de repas à préparer le jeudi. Pizza pour tout le monde. Pizza frite, puis let's go. Là. Exact. Fait que ça ressemble à ça. Sinon, au cours des années, on avait déjà voulu faire comme... on était plus dans le temps des fêtes, je pense. On voulait faire un repas du jour de l'an, je sais pas quoi. On voulait faire cuire des dindes, de la sauce brune. Ça se ferait, mais ça ferait des fumoirs pour faire ça, tu sais, pour être optimal, mettons. Là, ben, ouais, ou mettre la dinde dans le four toute la journée. Ouais, là, ben là, c'est parce que ça bloque un four. On avait fait des pizzas aussi pendant un bout, là, puis des ailes de poulet, mais c'est parce que la gestion de gérer trois fours dans trois chalets, ça avait pas de bon sens. On avait mis aussi sur le ça avait brûlé, c'est ça avait brûlé à toutes les places. D'un four, sur le... on avait brûlé toutes les pizzas. Puis les wings, c'était des wings du Costco en gros sac. Ils étaient dégueulasses, man. Fait que non, ça, c'était un échec, ça. Ça vous prend de quoi de simple que vous savez que ça va être facile puis que vous oublierez pas, tu sais. C'est exactement. Simplicité puis beaucoup de condiments. Mais on a fait un moment donné... Des Tums en masse. Puis Étienne Brisard, il avait amené des huîtres aussi un moment donné. On s'était des huîtres. Moi, j'avais adoré ça, mais il a pas eu beaucoup de clients. Ben, pour ceux qui aiment ça, là. Ça, malheureusement, fait que c'est pas revenu. Il y a des dégustations de bière aussi. Ouais, c'est ça, dur, chaque année, ça. C'est dur. Quand c'est l'année des stouts, c'est lourd sur l'estomac. Là. L'année des stouts, je suis revenu puis j'ai développé des brûlements d'estomac que j'avais jamais eu avant. J'ai fait, j'arrête dans une pharmacie en revenant sur la route. Ah, ouais. J'achetais des Tums, j'étais comme, mangé à la dizaine. Là. Puis à un moment donné, Ellie aussi a fabriqué la sauce tabarnak, piquante. Là. On voulait tout dégueuler à cause de l'air nous pognait à la gorge. C'est parce que tout le monde a mangé de la sauce piquante, d'autres qui avaient amené. Il y a eu une dégustation genre de sauce piquante. Il y a eu du monde qui était pas bien. Là, il y a eu Monsieur Boisson qui a failli mourir à la toilette. Là, il était en train d'agoniser sur le comptoir en céramique. Il était couché en bedaine par terre, la bedon sur la céramique de la toilette. Ça, là... Parce qu'il souffrait! Il y avait moi puis Matt Bonnet, on était dans la cave. Dans les chalets, on jouait à Amplitude. Le jeu là, de musique. Ouais, ouais. Puis là, il sort Boisson des toilettes, puis il est en chess, en sueur, puis il dit, les gars, je fais le pop-up en tout, là. Ah, ouais. Dit, pouvez-vous juste me checker que je perde pas connaissance? Tabarnak, la sauce forte, ça va aller, là. Hey, man, c'est mais ça. Mais Ellie, c'est parce qu'il était arrivé comme un matin très tôt, le premier lendemain, genre, il était pas là la première soirée, il est arrivé le matin, puis à 7h, il faisait de la sauce forte. Ouais. Pas de fan, pas réveiller le monde, fait que le chalet était empesté de sauce piquante dans le nez, quand... Regarde, qu'est-ce qui se passe? Ça sent fort. Pogne, là, c'est comme le cœur te lève. Il te cherchait dans la gorge. Là. Ah ouais, mais c'est pas parce que ça sent pas bon, c'est parce que c'est piquant. C'est ben trop fort. Le piquant te rentre dans le nez. C'était jamais assez piquant pour lui, fait que c'est ça. Ah ouais. Que d'aventure. Ben, on en aura beaucoup à raconter au prochain show. Ça donne bien les shows aussi, le WEG. On aura de quoi qu'on peignera un jeu qu'on aura fait au WEG. Oui, on essayera de continuer notre game de Poznik. Ouais, aussi. On parlera de Poznik peut-être. Aussi Poznik nous décourage, on essayera de s'en trouver un autre. Fait que prochaine question, parce qu'il y en a beaucoup. Simon Lahaye, combien de variétés de pommes différentes pouvez-vous nommer? Laquelle préférez-vous? Si, bon, beaucoup, là. La Gala. La Cortland. La Cortland. La Kintosh. Granny Smith. Ouais. La Empire. Ouais. Gala, Gala, tu dis. J'en ai déjà fait le tour. J'en ai déjà fait le tour. La Polared. Ouais. La Délicieuse. Ouais. La Yellow. Y a-tu une. La Cortland, on l'a dit. Mais nos préférés, c'est dur à dire. Moi, j'aime le McIntosh. C'est la Lager Brow. Ouais, la Lager Brow, on me rentre dedans. J'aime les McIntosh quand ils sont pas trop acides, mais c'est rare. Les pommes vertes, j'haïs ça. Moi, je ah ouais? Pas. Ouais, c'est pas mon affaire. C'est ça, mais c'est pas ça que j'achète normalement. Là. Mais je pourrais même pas te dire. Moi, j'achète des sacs de pommes, que ce soit des Cortland ouais, ou des moi aussi, Empire, des pommes je rouges. Sais pas. Des pommes rouges. Moi, je les aime sucrées. Et puis, j'aime pas tant les pommes dites poires, là, j'en mange, là, ouais, mais ouais. C'est pas mon go-to non plus. Tu vas aux pommes, toi? T'es-tu de ceux qui détestent aller aux pommes? Moi, j'adhère pas à la... Et moi, il y a deux je affaires... Je trouve qu'il y a du hate là, sur les pommes. Il y a deux affaires que j'adhère pas. C'est populaire d'haïr aller cueillir des pommes. Exact. Là. Ça m'énerve. J'aime pas le monde qui chiale ses pommes d'emblée. Et puis, j'aime pas les pères qui disent « Le premier chum de ma fille, est-ce-tu quand il va rentrer dans la maison? » Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme des affaires que le monde dit et qui m'énervent. Fait que c'est ça. Mais moi, je suis allé aux pommes comme à côté. Puis c'était des choses. J'y allais avec mes enfants et ma blonde et ma soeur et ses enfants qui étaient plus vieux que les miens. Mais tous les enfants étaient somme toute jeunes. Et on y allait avec mes parents. Et puis on avait tout un plaisir du matin jusqu'à midi, whatever. Puis après ça, on retournait chez mes parents à Saint-Hubert à côté de chez vous. Puis on se faisait une belle grande bouffe, tout le monde ensemble, style déjeuner. Des œufs, des saucisses, des toasts. Puis pour dessert, on mangeait les beignes aux pommes qu'on avait achetées. Puis c'est des moments que je chéris énormément et puis qui me manquent beaucoup, beaucoup. Mais c'est du temps en famille. Le monde chiale contre le temps en famille maintenant, on dirait. Ouais, c'est ça. Faut que j'aille faire ça avec ma femme et mes kids. Ben oui. Mais moi, j'adore cueillir les pommes. Ah ben moi, j'en peux. J'étais allé au bleuet aussi. J'adore les bleuets. Cueillir des bleuets, les fraises. Moi, je veux cueillir des fruits. Moi, je vais à Saint-Bruno. Il y a un micro-verger dans Saint-Bruno. Ouais, là, ouais, ouais. Genre, tu vas là, tu prends 45 minutes puis t'as fini. C'est bien correct. Là. Ben, ça, c'est correct. Moi, ce que je pense que le monde se tanne peut-être, c'est les gros vergers, comme le verger plein... Charbonneau. Oh, là. Charbonneau, moi, c'est là. C'est rendu. Ça n'a pas d'allure, là, l'empire de ce gars-là. J'y allais avant à Charbonneau pour aller manger puis chercher des affaires, mais là, ça n'a plus de sens. C'est trop gros. C'est plus le fun. Mais ça, je comprends parce que tu tapes du trafic pour aller aux pommes. Tu sais, ça, c'est pas le but d'aller dans la nature, c'est mais pas moi, ça. Les deux dernières années que je suis allé, j'avais deux sacs. Là, puis c'était comme sac pour manger, sac pour faire de la compote ou des tartes. Là, c'est, ah ouais. C'est tout. Qu'est-ce de GF fait sa compote, ses tartes sont. Je fais pas compote, c'est trop compliqué. Ben, c'est pas compliqué. Okay. Là, mais tu fais-tu des tartes? Je fais de la croustade. Ah ouais. C'est bon, la croustade. C'est vrai, ça, c'est pas si difficile. Là, je m'en mets dans le panier d'aluminium, là, puis là, je me sens dans le congélateur, puis ça me fait de la croustade. Là. Chris, t'es à marier. Cet homme est disponible, mesdames, en passant. Hein? Je veux juste dire, il a sa maison, il fait ses croustades, le Mad il fait son money bacon, tout. Il y a du cash, il y a tout. Je sens un peu à fumer, par exemple, parce que je suis dans la boucane dehors. Ah ouais, c'est pas grave, au moins tu sens pas à boucane. J'en fais de beaucoup cigarette. Moins, par exemple. De l'année passée, j'ai fait pas beaucoup, parce que un moment, je fais trop de bouffe, là, je n'ai plein, puis ouais. Je suis seul à manger ça, fait que c'est long, là. Fait... ben, c'est ça. Moi, ça... partir le fumoir pendant 3 heures pour moi tout seul, je trouve ça un peu plate, là. Je comprends. Ben, c'est pas grave. Bonsoir, mesdames. Il y a, cet homme est disponible, sachez-le. Mon frère aussi, d'ailleurs, est disponible. Bon, ben, toutes les all the crumbs. Si vous, si vous voulez venir en paquet de deux, là. Deux sœurs. Deux sœurs qui veulent deux gars qui ont des enfants à bas âge. Ouais, c'est ça. Fait que, prochaine question, Rémi Chabot. Jim, qui a deux gros pommiers chez eux. On va aller faire un podcast chez vous. Ben, oui, on va aller aux pommes chez Jim. Quel jeu NES mériterait un remake ou une suite sur Switch? Bayou Billy! Ah, man, un remake propre de Bayou Billy. Qui fonctionne! Qui fonctionne. Moi, j'ai joué à version Famicom au dernier WEG, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Ouais. J'ai même pas pris de continu. J'ai fini ce jeu-là, one shot. Et puis, j'ai eu bien du plaisir. Parce que le concept, genre Crocodile Dundee, d'être dans Bruce, puis dans des Jeeps, puis dans Swamp, c'est hot, là, ça. Refaites-nous ça balancé, puis ça va être excellent. Ben oui. J'ai vu qu'ils vont refaire Shadow of the Ninja. Ah ouais? Mon Dieu, excusez. Oui, ça a été annoncé. J'ai hâte de voir ça. Je suis pas sûr du look, là, mais quand même. Pourquoi pas... un remake de Kekko! J'ai vu que tu l'as mis dans ton jeu du moment, Retro MTL. Puis je l'ai tellement ri quand je l'ai vu, puis j'ai fait Kekko! Chez nous. Ben, je recommence, je me suis refait une game. C'est bon, mon perso. Ben oui, c'est super bon. C'est un super cool petit jeu de puzzle. Moi, j'adore ça. On dit Amagon dans le chat. Et il pourrait faire un Power Blade 3 sur Switch, là, ça serait bon. Là. Oubliez le 2, t'sais, plus que dans Venture 1, mais peut-être. T'sais, en tout cas, il y a de quoi à faire avec Power Blade. Ça serait vraiment le fun. Puis, tu sais, pas parce que je veux juste shooter des jeux chers, là, mais Little Samson, c'était vraiment excellent. Peu de monde ont joué parce que ça coûte une fortune. Ouais. Tu peux l'émuler, bien sûr, mais tout le monde ne sont pas nécessairement... Tout le monde qui a la pocket disponible pour jouer. Là, exact, t'sais. Ou qui ont les skills ou le goût de gosser pour émuler ça. Mais c'est triste parce que c'est vraiment un bon jeu. Alors, ça serait un bon pick, ça. Kevin Durocher, on peut parler de la sortie prochaine de Thunder Ray, ce punch-out nouveau genre qui m'a l'air tout à fait intéressant. Thunder Ray. Thunder Ray. R-A-Y. Là, on va mettre du gameplay à l'écran. Là, pendant que tu fais ça, je vais remercier Patrick Beauséjour qui dit « Man, toujours en camisole, c'est parfait, l'on vit Papa Cassette. » C'est très gentil. Ah ouais, hein, Thunder Ray a vu. Ben, il y a une vidéo. Ouais. Tu peux-tu mettre une vidéo? Ça va fucker. Ouais, il y avait une vidéo. Était où, les vidéos? Ben, clique à la vidéo, là, à côté, à gauche, à droite de l'image. Combien de reviews? On montre un autre truc, là. Ouais. Ah ouais, hein, c'est vraiment un genre de punch-out, là, au nouveau look, en effet. Ah là, on veut voir du gameplay un petit peu, là. Ah ouais, ben c'est carrément punch-out refait, punch là. Out. Plus de scènes de violence, là. Il y a c'est intéressant, les personnages sont beaux. Nous autres, on est un boxeur, mais l'autre... Avec un flat top. Mais il faut dire qu'à Super Punch-Out aussi, il y a bien du monde qui s'en foutait complètement, qui donnait des coups de canne et puis qui faisait n'importe quoi, là, des coups de pied. C'est-tu pas contre un alien puis un gros vampire, là? Ah ouais, hein, c'est vraiment... Ça va être cool, ouais. Ils vont all over the place avec ça, là. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est pas juste one-on-one, boxeur-boxeur. Ça me fait penser, dans le VR, il y avait eu Knockout League, c'était genre ça un peu. T'avais plein d'adversaires qui n'avaient pas de bon sens. Là. Genre une pieuvre, puis un pirate, un gars qui avait des jambes en spring, puis des affaires comme ça. Ouais, c'est intéressant pour eux. Merci, Kevin Durocher. C'est très intéressant. On n'avait pas vu ça passer. Et puis, si ça existe en physique éventuellement, certainement qu'on va en commander un petit peu. David Lescaut, quelles sont les bases pour mettre sur pied un WEG qui se respecte? Ben, ta crowd pour commencer, c'est bien important. Faut que tout le monde soit dans le même mood pour aller à un WEG, je pense. Là. Ouais. Ça prend. Faut qu'il y ait une certaine sérénité. Ouais. T'sais, parce que nous, on a tous à peu près le même âge. Là. On va dire de 35 à 45. Là. Mettons là. Et puis, fait que c'est un âge qui se ressemble. Même le monde à 35, il relate à ceux de 45 et vice-versa. Mm-hmm. Mais mettons, il n'y a pas de jeune de 20 ans qui comprendrait pas c'est quoi le trip nécessairement de jouer à des vieux jeux toute la fin de semaine. T'sais. Nous autres, ce qu'on aime, en fait, il n'y a pas rien que du rétro qui joue. Là. Puis il y a du monde qui game pratiquement pas non plus. Des fois, il y a des que j'ai à peu près pas gamé, puis j'ai plus jasé qu'autre chose. Ça arrive. Là. Ouais, c'est ça, ça arrive. Ben, c'est comme tu le feels. Moi, j'aime bien aller au WEG pour finir des jeux, faire des aussi, projets. Aussi, les projets, c'est le fun. Là. Mais la vibe générale, c'est que c'est du monde qui veulent prendre un break. Comme Bruno le disait, c'est comme une fin de semaine de pêche. Carrément, de chasse, là, c'est ça. Là. Mais on va jouer à des jeux vidéo à la place. Mais tu sais, c'est ça. Ouais, moi, maintenant, mes enfants sont grands, fait que je l'ai moins, ça. Mais les jeunes pères sont comme... enfin, tranquille, à rien faire, à boire de la bière en chess, Steve, puis à jouer à des jeux, whatever. Je pousse Nick à 3h du matin à manger des pogos, là. Exactement, tu sais. Fait que c'est tout merveilleux, ça. Mais il y a de l'organisation, tu sais. Faut faire ça. Ça prend certaines. Faut que le monde paye. Ouais, aussi, là, soyez. Il y a du monde qui avance le cash. Faut que le monde paye. C'est important. Faut choisir des places. Là, on fait de quoi de nouveau? On essaye une nouvelle place. C'est un chalet de riche qui n'a pas de bon sens. On a loué un genre de chalet. C'est des chalets corporatifs, ça, qui sont là pour genre 60 personnes. Genre, exact. Le spa est comme une piscine olympique. Ça n'a pas de sens. Le spa est géant, man. Il loge 30 personnes. Puis le dernier étage. Il y a un étage, en tout cas, avec genre une vingtaine de chaises en rond puis une chaise mauve. Ça va mal finir. Puis là, je pense que c'est comme le monde va aller dans la chaise mauve se vider le cœur. Les autres vont applaudir. Ça va être la mésanine de la thérapie. Ah ouais, ça va être thérapeutique. Intervention, ça. Là, il y a une ça appelle l'intervention. Puis... Ah ouais, on lève la main pour parler. Ça va être malade. Mais bref, faut que tout le monde soit un peu dans le même mood, tu sais. Puis faut pas aller là stressé ou, tu sais. Puis si vous avez des chums qui tolèrent mal la boisson, qui sont chaotiques, font du trouble, tu sais. Puis c'est moins la place pour ça. C'est pas, faut pas qu'il y ait personne qui gâche la party. Ouais, puis personne soit nerveux de comme, je vais aller faire une sieste, puis genre, que quelqu'un va venir me mettre de la crème fouettée dans la face. Ah, moi, je dors, ça, là. Les pranks, même, là. Non, j'aurais décroché vite. Là, ça, il y a un respect pour le monde qui sont fatigués aussi. Là, c'est... Oui, oui, il y a un respect pour les gens fatigués. Il y en a qui dorment le WEG aussi, c'est correct. Là. Absolument. Puis c'est important aussi, je pense, d'avoir des rituels. Tu sais, il y a des rituels, genre des cris, genre là, c'est là. Ouais, c'est ça, là, mais. D'ailleurs au dernier WEG, faut vraiment pas l'oublier celui-là. Puis à la fin, quand c'est le temps de partir, on se donne la main comme une game de hockey. Ouais, bonne game. Bonne game. Puis tu sais, comme les repas, c'est un rituel. Puis après ça, il y en a aussi qui se font des runs de Magic. Ouais. Magic. Il y en a qui font dégustation bière. Il y en a qui se font des poker. Donc, si tu veux te joindre à plusieurs petits rituels, il y en a. Tu peux rien qu'embarquer quand tu veux. Dans le spa, le moche. Le moche pit. On a même eu une game de ballon chasseur. Ah, ça, donné. Ouais, mais ça, on a failli perdre du monde, genre. Ah, ouais. Physiquement, il y a là. Quelqu'un qui s'est blessé physiquement. Il a fallu qu'il fasse de la physio, là, tu sais, à la cheville. Ça n'a pas été drôle. Mais ouais, ça prend des rituels, ça prend une certaine organisation, mais il faut pas non plus mettre un stress d'organisation, non, de règlement. Non, c'est ça, juste bien organisé. On va pas se faire là pour se faire dire quoi faire. Là, faut mais en même temps, soyez comme définitif d'avance, comme la prise de photos et de vidéos, comme c'est quoi qui se passe. Là. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont pas le goût de se faire photographier en train de boire de la bière. Là, non, non, exact, exact. Moi, j'ai pas fait attention dans le passé. Il y en a qui me l'ont dit. Je publiais des photos, fait que... J'en ai pas oublié. Pas du monde à poil, mais du monde sur le party qui préférait ne pas être sur le party. Mais c'est rien de compromettant, mais quand même, il faut respecter ça. Garder l'image. Là. Mais moi, j'aime beaucoup faire des lives, mais tout ça. T'sais. Moi je filmerais le WEG au complet, mais il y en a d'autres qui sont comme non, moi, je veux. Ouais, mais moi aussi, je pourrais filmer, ça ne me dérangerait pas. Je ferais de quoi après, mais c'est ça. Je ferais du montage, mais non, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Il y a un bout, tu faisais des dévoilements de jeux que tu avais acheté aussi dans le game chasing d'avant. On faisait ça, un game chasing en montant. temps aussi. Il y en a qui font une beer run aussi en montagne. Ouais. Ils arrêtent d'acheter de la bière à des places. Fait que... J'allais dire autre chose, un autre run. Fait que bref, c'est ça. Ça, c'est important. Puis c'est quoi dans la dernière? Ah oui, prévoyez le matos aussi. Parce qu'il y a juste, en plus, là, il n'y a presque pas de TV. Où est-ce qu'on s'en va? Fait que amenez des TV, amenez des rallonges. Ouais, ayez des projets. Puis ayez des projets. Du stock pour vous faire vos projets aussi. Vos exact. TV, vos consoles, vos rallonges. Vos... Identifiez vos équipements aussi. Oui, oui. Identifiez vos manettes c'est de ça. Switch. Puis tout ce qui coûte cher, vos manettes de PS5. Puis moi. J'ai... Ah, puis prenez des photos de la place quand vous arrivez. Ah, oui. Parce que nous autres, on défait tout, on déplace les fauteuils entre les chalets et tout. Fait exact. Pour savoir qu'est-ce qui va où après. Là, c'est pour, ça, pour remettre exactement comme c'était. Exact. Et puis, moi, j'aimais bien aussi faire des setups spontanés, des setups spéciaux. Comme une année, j'avais amené ma Wii avec, genre, tous mes jeux Wii. Puis là, j'ai fait un gros setup Wii. Et puis, on a joué quand même. Ça a été un peu populaire. J'avais amené des guns, on a fait des rail shooters. Et une autre année, c'est comme, OK, un setup Atari. Ah, oh, man, avec là, on les veut coussins, se faire, là. Avec les coussins, ça, c'est devenu tradition. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On veut se faire cette année un setup Intellivision Amico. Ah, wow. J'ai chargé Ellie de faire ça. Ça, ça, se, va fera, ça se fera pas, ça veut dire, m'a aidé de bord. Ah, ben, OK, mais en tout cas, il faut télécharger l'app et puis ça prend nos selles. Ah, ben, moi, j'ai un téléphone Google. On pourra s'arranger pour vrai. Ben, check ça, c'est somme toute assez simple. On va y en parler, Ellie, si tu l'as mandaté, pour moi, il a oublié, là, mais je vais regarder ça. Mais il faut le faire, man. Il faut jouer à ça, ça va être dégueulasse. Ça va être drôle. Puis tu vois, quand il y a eu le reveal de l'Amico, de quand Intellivision a fait le reveal de ce qu'allait être la prochaine console Intellivision, on était au WEG. Fait que moi, j'avais dit à tout le monde, OK, samedi à 6h, rendez-vous au chalet bouffe. Dans le sous-sol, on écoute le reveal de la prochaine. Puis là, tu sais, tout le monde est venu. J'étais comme touché. Là, vraiment, tout le monde aime la télévision. Moi, souvent, il y a souvent une game de hockey pendant le web que j'écoute à Manitra. Oui, on met les games de hockey aussi. Fait que c'est ça. Cette année, il y a un Rough and Rowdy là, que tu vas découvrir pour la première fois. Ouais, oh mon ça. Dieu, les bas-fonds de la boxe américaine. Là. C'est des amateurs qui se battent, mais tu sais, c'est quand même une femme enceinte contre un nain. Des affaires là, tellement weird. Là. Tabarnak, man. Je pousse un peu, mais c'est weird à ce niveau-là. Oh, checker ça. On va avoir bien du plaisir. Fait que des rituels d'organisation et tout ce qu'on vient de dire. Bien du plaisir, pas de stress. David, alors la caille, quel est votre top 3 meilleurs tunes de jeux vidéo NES? C'est-tu qu'on est topé tout le temps à chaque fois? Tune d'intro ou celle d'un niveau? Tune d'intro de Mega Man 3, elle a un petit build tranquillement. Évidemment, le niveau de la lune de DuckTales. Oui. Tune d'intro de Batman... Ben, toute la soundtrack du premier Batman est excellente, mais moi j'aime la toune de quand tu laisses aller le générique, là il y a le storyline, ça commence puis là ça fou, là ça part, man. Asti, man, le poil me lève, c'est absolument incroyable. Toune de jeu vidéo, toune d'intro ou scène de niveau. Ouais, c'est ça, n'importe quelle toune dans le fond. Megaman, tu sais, man, Airman de Megaman, j'arrête pas de dire man. Airman. Dr. Willy, premier niveau de Mega Man 2. Ouais, c'est des classiques, là. Il y a bien des personnages de Mega Man, des niveaux de Mega Man qui ont des tunes absolument incroyables, là, tu sais. Mais le jingle de Mega Man, quand tu vas dans un niveau... Genre, ça, c'est iconique, là. Absolument. Quoi d'autre, Onis? Ben, c'est parce qu'il y en a tellement, tu sais, c'est absolument incroyable, là. Double Dragon 2, des affaires inoubliables. Mais ça rentre moins dans... Dans les feels, là, c'est ça. Ouais. Power Blade. Ben, Power Blade, Shatterhand, Shadow of the Ninja, tous ces jeux-là sont absolument hot, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que. Lunar Ball. Ah, oui, ah, ouais, elle gosse, là, mais. Ouais, ben, avec une loupe de genre 10 secondes. Ah, tu l'écoutes, là, mais genre 5 minutes. Mais pas 5 minutes, 2 minutes. Là, ah, ouais, mais elle est fun. Ah, oui, elle vient de chercher celle-là. Là. Ah, oui. Quel jeu recommandes-tu avec une éclipse de Marc-André Nadeau? Là, j'ai amené quelque chose de spécial pour l'occasion. On se remet ça en duplex. Alors, collection? T'es-tu capable de mettre en collection? Toujours capable. Je recommanderais Attack of the Movies 3D ici. Et c'est-tu pour... sur Wii? Et puis, c'est ça vient avec 4 paires de lunettes 3D. Parce que ça vient avec 4 paires de lunettes. Je n'ai une paire de même chez nous aussi. Ben, écoute. Moi, dans mon jeu ici, j'en ai zéro. Ça, c'est comme un petit, paraît-il, Eden Gem, là. Que c'est un jeu en first person que tu... Man, ça a l'air d'être fucké, là. Mais tu passes à travers des films, puis là, c'est malade, puis là, c'est 3D avec tes lunettes, puis tu fais des choses. Compatible avec le gun, en plus. Oui. Wow. En fait, c'est ça, c'est un shooter avec des lunettes, puis tu shootes dans des films. OK. Donc, très, très cool. C'est genre un rail, probablement? Un rail shooter. Wow. Puis voilà, puis c'est supposé venir avec quatre paires de lunettes. Faudrait se faire 3D, ça. Que, puis moi, j'en ai aucune là-dedans. Moi, j'en ai une paire chez nous. Mais puis là, ça apparaît pas à l'écran, mais la pochette est holographique aussi. Ben oui, j'avais pas vu ça. Fait que voilà. Non, mais j'ai, wow. Je fais découvrir quelque chose, puis ça vaut pas grand-chose non plus, mais on le voit rarement. Et puis, je voulais juste faire le gag que c'est avec des lunettes, alors utiliser les lunettes pour regarder l'éclipse, puis devenir aveugle. Je savais pas que ça existait. Et voilà. Fait que... Je savais pas que les lunettes avaient fait leur entrée sur la Wii, en fait. Là. Non, ben, en effet. Depuis Rad Racer, on pourrait penser qu'il n'y en a pas eu, mais... Ben, Rad Racer, ça m'a tellement marqué quand j'étais jeune. Parce que ma voisine l'avait avec les lunettes, puis genre... Ah, ouais. Dans son sol, là, genre, c'était débile, en tout cas. Je pense que je l'ai jamais essayé avec des lunettes parce que j'en ai jamais eu, tu sais, pour le faire là. C'était fou. Là. Moi, je capotais quand j'étais jeune. Puis j'avais pas là que j'ai pogné la piqûre parce que t'es cute aussi. Là. Ouais, c'est ça. La piqûre du 3D. Ouais, en ben fait, oui, des jeux vidéo puis ouais, du VR. Des mondes qui n'existent pas puis là, de la fausse réalité. Là. Des mondes qui n'existent pas. Faut que j'arrête de taper ce mot. Arrête de puncher le matos, JF. Ouais. Guillaume Roy, quel est ton projet final avec ta collection? Par exemple, as-tu l'intention de léguer ta collection à tes enfants et utiliser sa valeur pour leur avenir, la garder? Ah, c'est une bonne question. Ouais, quand même. J'ai pas l'intention de m'en départir pour l'instant. Là, est-ce que à court terme, moyen terme, je vais finir le full set Super NES, puis après, ça va être tout pour moi pour les gros projets de collection. Quoique là, je me suis lancé dans une nouvelle affaire. C'est grâce le Game Boy Color. À un de nos amis. Non, les Nintendo Power. Ah. Je veux avoir de 1 à 60, précisément. Et puis, on a racheté la collection d'un ami à nous. Commun. Et puis, il y a tous les premiers numéros okay. en état impeccable. Wow, c'est vrai, absolument magnifique. Là, quand je vois ça, Chris, j'ai de la misère à laisser ça aller. Là, fait que ça, c'est trop beau, ça. En fait. C'est là, trop beau pour être vrai. Fait que, that's it. Puis, écoute, je vais la garder. Moi, j'aime la regarder. Puis, avec le temps, peut-être qu'elle va slim down encore un peu, que je vais finir me débarrasser de mes jeux de Genesis. J'en ai une dizaine. Ouais. Mon PS2. Tu sais, je touche jamais à ces affaires-là. Ah, moi non plus, là, c'est... Quand c'est le temps de m'asseoir et de jouer à quelque chose, je choisis tout le temps NES, Super NES, Game Boy. Il y a tellement d'affaires encore à découvrir et de jeux à jouer. J'ai jamais envie d'aller vers ma PS2. Il y a un entre-deux que je visite jamais, moi. Ouais. PS1, PS2, moi c'est genre très rare que je retourne là-dessus. Là. Exact. Si j'en reviens, c'est pour jouer à des jeux que je veux jouer, que je sais que j'aime déjà. Là. Genre, j'ai un jeu de snowboard PS2, mettons, je sais qu'il est juste là, ben, moi, le jouer là. Mais... Ouais, ben, c'est ça. Puis moi, avec Einander, mettons, puis, tu sais, Castlevania Symphony of the ouais, Night. Ouais. Mais ce qui me retient, c'est que j'aurais de la misère à vendre ces jeux-là, tu sais, parce que c'est Castlevania Symphony ouais, of ouais, the Night. Là, tu me dis, je pourrais bien garder les jeux, vendre tout le reste, on s'en galise. Et c'est vrai, là, je pourrais ouais, faire ouais. ça, mais... En tout cas, en même temps, ça me coûte rien de garder ces affaires-là. La place, puis c'est tout, là. Ça. Ouais, puis, mais peu, quand ouais, même. Ouais, j'ai yeah. pas... Fait que c'est ça qui me retient de m'en débarrasser, tu sais. Mais j'ai pas je sais pas du tout en fait, j'ai pas de décision prise. Par contre, il y a de l'argent à réfléchir par rapport à ça. Si j'ai besoin de beaucoup d'argent, peut-être que je pourrais tout vendre pour un gros projet ou whatever, mais j'essaierais pas d'utiliser cet argent, ma collection pour faire ça. Mais si jamais je suis dans la merde, ben c'est sûr que les objets vont partir. Là. Mais je doute aussi que je vais laisser ça à mes enfants pour pas que ça soit pas ça soit lourd pour eux autres là, tu sais. Mais tu sais, peut-être aussi. Je peux pas répondre. Je sais pas où est-ce que je vais être à 60 ans. T'sais. Est-ce ça. Que je vais aimer encore avoir ces objets près de moi et les regarder à tous les jours? T'sais. Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Peut-être que je vais lâcher les jeux vidéo complètement. Ouais, ça peut virer là, d'ici 15-20 ans. On sait pas ce qui va se passer. Exact. Mais à mon état présentement, t'sais, je les garderai puis je m'en débarrasserai vers la fin de ma vie pour ramasser l'argent puis laisser ça à mes enfants ou l'utiliser pour moi-même. Mais aussi, j'en ai même pas parlé, parce que je veux pas trop en parler non plus, mais j'ai fait une publication là-dessus par rapport à un musée de jeux vidéo. Ouais, j'ai vu ça, avec Mario qui était inclus là-dedans. Là, entre autres, ouais. oui, puis d'autres personnes. Puis, c'est hot, ça, pour eux. Ben, tu vois, je pourrais peut-être envoyer mes affaires là-dedans. Ça serait un objectif plausible. Mais je veux pas trop m'avancer là-dessus parce qu'on est beaucoup de monde, tu sais, puis je sais pas si ça va donner quoi ou whatever. J'ai juste reparti une étincelle. Ouais, c'est cool que ce soit dans l'éther, dans l'air un peu, que ce soit là. Exact. Mais tu sais, c'est juste un projet de plus aussi. Fait que là, c'est dur des fois. Ben, on est des gars qui ont des projets tout le temps. Et on est des gars de projet. JC Goyette, qu'est-ce qui fait un bon cabinet d'arcade? Dimension, design, ergonomie, etc. C'est bon. Quelles sont les caractéristiques recherchées pour avoir l'expérience adéquate pour jouer à une borne d'arcade? C'est sûr que ça prend un bon jeu à jouer, mais l'enrobage semble tout aussi important. Il n'y a pas de jeu, tu sais. Mais je veux dire, le side panel, mettons, la marquise, va-tu avoir un impact sur toi, mettons, pour dire que c'est un bon jeu? Puis c'est une étrange question. C'est dur à répondre. C'est... c'est ça. C'est un cabinet à 4 par rapport à un cabinet de shmup, par rapport à un. Combien Street Fighter, t'as besoin de 6 boutons. Non. Dick Dog, t'as besoin d'un bouton. Pac-Man, t'as besoin d'un joystick. Golden Tee, c'est une balle. Je sais. Fait que y a pas vraiment de réponse, je trouve, mais c'est le fun. Plaisant à jouer, là. C'est le fun, tu sais, tant qu'à le faire custom, mettons, tu le fais un petit peu plus large, là, parce ouais, que... Ouais, on l'a passé, ouais. Celui-là, il est pas loupé, moi, l'a reloupé. Bon, beau réflexe. Fait que, mais non, non, là, c'est ça, là, c'est très technique, tout ça. Ouais. Mais... Un custom, faut que tu le fais large, puis tu mets... Mais tu peux à cette heure t'acheter des décalques, mettre sur les côtés, puis te faire de quoi de vraiment sharp, là, custom, là. Si t'es bon de tes mains avec le bois pis tout ça. Ouais, c'est ça. Puis t'es bon avec les ordinateurs aussi. J'ai eu un projet, puis dans Fire Emblem, j'ai fait « Oh, je pense que c'est bon avec le bois pour faire ça, puis avec les scies pis tout ça. » Non. Ouais, c'est ça. C'est un gros projet. Les one-ups sont arrivés, puis je dis « Ah, ça, c'est correct. Les one-ups, ça va faire la job. » Jim Gendron, qui est aussi dans le chat, c'est ouais. Jim 99999. Un top de tes bières et brasseries préférées. T'as-tu, toi, JF, bois-tu de la bière chez vous, de micro, tu sais, où tu cherches... Ouais, j'en bois, mais... T'en bois, mais tu cherches-tu à... Non, parce que j'en bois pas assez, j'ai l'impression. Okay. Puis souvent, ce que je bois, c'est les restants des gars de la soirée du podcast qui ont amené, qui restent dans mon frigidaire. Exact. Fait qu'avant que je tombe dans une bière de micro, c'est que si je vois dans un bar, qui en a, m'a l'essayé. Mais mettons, toi, tu fais l'épicerie ou whatever. Premièrement, t'as-tu de la bière dans ton frigo tout le temps? Oui, okay. En bas, dans mon bar. Mais c'est tout le temps les restants du monde, c'est jamais... Non, mais j'en ai à moi, mais j'en ai une coupe. Tu t'achètes quoi, toi, quand tu t'achètes de la bière? Ça, c'est dur à dire. J'ai pas... Je vais au hasard, souvent. À moins que j'ai un... de la micro, mais t'achètes ouais, de la Miller puis de la... Non, non, je vais dans le micro au hasard. Quand je connais pas, j'essaie des pilsners. N'importe quoi, là, genre, j'essaye. Okay. Je suis un essayeur de bière, là. Ouais, c'est ça. Ah, ben moi aussi. Mais là, à ce temps, j'essaye de moins en moins. Avant, j'essayais tout. Ouais, moi aussi, mais là, moi, je chassais les nouveautés puis tout ça. Fait que, tu sais, mais dans les grosses brasseries micro, tu sais, je pense que le Castor a toujours des produits absolument impeccables. Ouais. Dieu du ciel, même chose. Ouais, ouais. Probablement, Dieu du ciel, c'est ma préférée en micro. Absolument. C'est accessible, mais c'est des produits... C'est de la bière de microbrasserie, là. C'est de la bière de qualité. Je les achète quand je vais au WEG, parce que souvent, avec Bonin, j'arrête de manger à Dieu du ciel oui, à Saint-Jérôme, puis on en ramasse une coupe. Puis... Absolument. Il y avait Trou du Diable, mais là, ils ont vendu à Molson. Mais moi, malgré tout, je continue d'apprécier les produits Trou du Diable, parce que c'est le même goût qu'avant, tu sais, avant qu'ils vendent. Puis moi, je les trouvais excellents. Donham, qui ont tout le temps des bières de grande qualité. Fait que... Puis bon, là, ici à Montréal, il y a Messorem, bien sûr, ouais, qui est ouais. Hype, Brasserie du Bas-Canada à Gatineau. T'sais, ça, c'est des gros noms, là, t'sais, mais c'est toujours bon. Puis Messorem, c'est leur Pils, puis Brasserie du Bas-Canada, pas leur Pils, mais leur IPA, t'sais, ils se spécialisent là-dedans, puis c'est vrai qu'ils sont crissement supérieurs. Ouais, ouais. Les New England IPA, là, tout le monde en fait, là. Mais est-ce qu'il y en a un sur 20 là, qui est capable d'en faire une remarquable, tu sais? Fait que ça, c'est excellent. Avant-garde ici, dans Schlaga, que je trouve qu'ils ont une belle gamme de produits variés, tu sais. Ouais. L'espace public à côté aussi, qui font beaucoup de bières sûres. Ça, j'aime pas ça. À Longueuil, le barrage, qui font 3 bières, je pense, dans une petite microbrasserie là, dans mon coin que je vois, là, un petit bar. Là, ils ont fait 3 sortes de bières, dont une Pilsner. Là, je connais pas ça. La Source. OK. C'est très, très, très petit. Je pense pas qu'ils distribuent. Tu peux lâcher là-bas, genre. Il y en a mis en canette, mais il faut vraiment que tu ailles sur place pour l'acheter. Là. Ben, ça, c'est le futur là aussi. C'est ouais, là où ouais. Tu fais ton argent. Mais je dis, moi, je bois pas de bière, tout ça. C'est assez rare chez nous que je me pop une bière, tout ça. À moins que je fasse un stream, mettons, je vais l'ouvrir parce que, genre avec du monde, je trouve ça le fun. Mais une bière, tout ça, c'est assez rare. Je suis un buveur social. Là. Ah, moi, je fais ça, par contre. Même si je suis tout seul, là, ouais, à la ouais. Maison, ma blonde est partie, les enfants sont couchés. Ça voilà. Va arriver, là. Je me débouche une bière, puis je check une affaire. J'aime ça. J'aime ça. Des fois, je me vois une bouteille de vin aussi. J'essaye dans tout ça. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Un scotch, là, c'est quelque chose. Des alcooliques fonctionnent. Ben oui, c'est ça qu'on c'est a. Ça. top de mes bières préférées. Écoute, il y en a ben trop, mais mettons, moi, dans mes styles préférés, bien sûr, les IPA, les New England, puis les West Coast, j'aime bien ça. Les Pils, j'aime beaucoup, puis les saisons. Surtout les saisons houblonnées, c'est quelque chose que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, puis j'adore ça. Ouais, ouais. Puis un style que j'adore, bien sûr, j'en parle souvent, puis que je trouve qu'il n'y a pas de monde qui n'en font pas assez, c'est blanche. Ouais. Des bières blanches, j'adore ça. Toi, t'as-tu des styles. Plus blond, plus pilsner. Vraiment moins IPA, moi. Moi, c'est vraiment dans le bas de ma liste, l'IPA. Ah ouais, ok. Je trouve que le goût de pisse est trop prononcé souvent. Ah ouais, toi, t'es du genre pas, que non, tu trouves que la coriandre, ça goûte le savon? Non, non, non. Ah, OK. C'est bon, la coriandre? Oui, moi aussi, j'aime ça. Mais trop, c'est comme pas assez, par exemple, avec la coriandre, c'est ouais. Très puissant, là. Ah ouais, en effet. Mais non, mais j'en bois de la IPA, je n'ai bu ici souvent, là. Ça me dégueule pas, là. C'est vrai, t'en buvais plein ici, t'en. Ben oui, moi je bois ce qu'il y a, en fait, là. C'est pas difficile, là. On m'offre de la bière à boire, là. Exact, exact. Je pars de loin. Moi, quand j'étais plus jeune, genre, je buvais de la Smirnoff Ice, là. Puis, genre, le goût de la bière me levait le cœur. Fait que c'est. Ah, ben moi, j'aimais pas ça, mais je me forçais. Parce que moi aussi, c'était cool, c'est là, ça, là. J'ai fini par apprécier avec les années, là. Puis. Ouais, c'est ça. Ben, moi, avec, là. Puis, à développer mes goûts, à essayer des affaires, puis à reconnaître qu'est-ce qui est quoi, là, tu sais. Fait que, non, moi, j'adore tout ça, là. Maxime Chartier, tu mets quoi dans ton café? Tu mets quoi dans ton café, toi, JF? Une crème et un sucre. Ah, pour vrai, tu ouais. Mets des choses. Oui, je mets des choses. J'aime le café noir aussi, mais j'aime ça aussi, une crème et un sucre. Là. Ben, parce que tu le prends chez vous aussi, ouais, ouais. Tu fais ce que tu veux. C'est ça, puis tu sais, c'est à peine du sucre et à peine de la crème, là. C'est pas rien pour dire, là. Ouais, c'est ça. Juste pour dire qu'il change de couleur un petit peu, là, mettons, là. Mais, exact. Mais je peux boire un café noir, pas de problème. Je suis un amateur de café aussi, en général, là. Ouais. Ouais. Tu chasses les cafés. Ouais, j'aime bien ça. Ah, Kicking Horse, ouais. C'est un très bon café de l'Alberta, ou Colombie-Britannique, en fait. Là. Ah oui, moi, je connais pas le café du tout. C'est celui que j'achète en sachet que je me fais quand j'ai du temps en pression française. Là, ouais. Un jour, il faudrait que je t'en fasse. J'en ferai un ici, un moment donné, là, quelque chose. Ah, ben, il faudrait qu'on enregistre ouais, le matin. Matin là, on fait l'épisode spécial de samedi matin en pyjama, là, avec nos pyjamas à pâte. C'est clair. Mais moi, je mets rien. Moi, je prends juste des cafés noirs maintenant parce que avant je mettais un peu de lait. J'ai jamais mis de sucre. Mais c'est parce que après ça, je me suis mis à être travailleur autonome puis avec des amis dans des places. Puis où est-ce que c'est nous qui fournissait le café qu'on buvait? Puis, ouais, tout ça. Ouais. Puis après ça, en agence, puis tout. Puis il y avait jamais un contrôle sur le lait. Il y avait jamais personne qui en achetait. Ouais. Quand on en achetait, il finissait par passer date ou whatever. Puis le lait est devenu, ou la crème, c'est devenu une gestion. Puis ça m'a fait chier. Fait que moi, je me suis dit, c'est terminé, je bois plus jamais de lait dans mon café. Puis je me suis habitué à ça, puis à ce temps, je ne bois que du café noir. Ouais. Fait que voilà. Et je mets jamais rien dedans. Ma Keurig est au bar en bas, puis dans mon frigidaire à bière, il y a une petite affaire de crème, un carton de crème. Là. Ah, c'est ça. Pour ça. Ouais, j'ai une Keurig, moi, maintenant aussi. Mes parents m'ont acheté ça. Là. Puis je dois avouer que c'est quand même pratique. Ouais, c'est le fun, ça va vite. Là. Ça va vite l'après-midi. Là. Tu veux pas te partir. Le matin, on en fait plus, tu sais, dans un perco, mais l'après-midi, j'ai un moi, c'est capsule, que Keurig. Ouais. Deux cafés Keurig le matin, puis d'adit, là. Ah ouais. Les cafés Bob Marley, d'ailleurs. Ah, c'est cool. C'est les cafés, le fils de Bob Marley qui a un truc de production de café. Les cups sont éco, là. Fait que genre, si t'enlèves le café dedans, tu peux les mettre au recyclage, puis ils vont passer le recyclage. Fait que je me sens moins cheap de prendre du curé que si je peux recycler le cup, tu sais. C'est... Ouais. Ah ben, tant mieux. C'est pas lui. En effet, c'est très bon, ça. Voilà. Pat Doyon. Patrick Doyon Pat. Lui-même. L'ex-finaliste aux Oscars. J'aime ça rappeler ça. Ouais. Est-ce que genre... Oui. Tu savais pas? Non. Il a fait un court-métrage qui s'appelait Dimanche. Et okay. Puis, il est allé aux Oscars. Ah ouais, ça. Wow. Ça fait quand même un bon bout de temps. Puis, moi, j'ai étudié avec Pat en design graphique à l'UQAM. Et puis, Pat est devenu illustrateur, en fait. Ouais. Alors, c'est ça. Et puis, il te pose une question, Jeff. Est-ce que Jean-François a exploré le catalogue de la Playdate? Si oui, quels sont les titres qui l'intéressent et qui l'a joué? Ouais, ben je rappelle que catalogue, c'est le genre de magasin interne là, dans la Playdate. Il l'appelle catalogue. Ça s'appelle catalogue. Donc, c'est une application qui s'appelle catalogue. Et tu vas dedans, puis c'est des. Bon, tu peux downloader des jeux là, par itch.io sur la Playdate. Là, puis pour ceux qui ne sauraient pas, la Playdate est une petite console portable avec une crank là, qui permet oui. de faire. Que Bruno a couvert de long en large. On et a, toi on a, aussi, on a parlé beaucoup, à Rétro Nouveau. On est devenus amateurs de ça. Donc, ouais, j'ai regardé récemment. Rapidement, on va en parler de deux, peut-être. Le jeu qui s'appelle ici Home, O-O-M, donc du créateur du jeu Omaze pour la Playdate, qui était dans la saison 1 de la Playdate. C'était un jeu de puzzle que tu avais genre des boules qui tournaient dans des cercles, puis il fallait comme tu déplaces, puis il y a des ennemis dedans. C'était très intéressant. OK. Là, $6 bien investi. Ouais. Mais là, c'est un genre de puzzle shooter rythmique que tu as un petit vaisseau qui tourne avec la crinque, évidemment, à 360. Puis à chaque, mettons, seconde, ben il lance Il lance automatiquement. Il lance automatiquement un projectile, puis ça te fait avancer. Ça fait comme poum, okay, poum. Ça change un tout. Un peu là, je pensais que tu contrôlais le tir. Tu ne contrôles que la direction. Puis tu peux aussi contrôler que, mettons, ton bonhomme, il reste sur place. Ah ouais, t'es pas obligé de le faire avancer. Fait que des fois, il peut rester, puis genre gonner dans une direction à la fois. Fait que c'est vraiment intéressant, puis c'est un beau petit puzzle, puis il y a des petits sons bien intéressants, puis c'est bien produit. C'est minimaliste au bout, là, comme la Playdate. Là. Fait que C'est, oui, moi je trouve que c'est il un est vraiment très, le fun. Très spécial. Je l'avais streamé quand j'avais fait le stream sur. Il y avait eu un genre de direct de la Playdate, puis j'avais joué à ça après parce que je l'attendais. Là. Mon gars capote m'a regardé jouer à ça. Là. Il trouve ça très le fun. Ah ouais, c'est vraiment le fun. C'est comme un shooter nouveau genre en fait. Là. Puis peut-être un autre jeu que j'ai pas joué encore mais qui m'intéresse ici qui est Mars After Midnight de Lucas Pope. Donc le gars qui a fait Paper Please et. Oh! Ça, c'était sur PC, mais toi, ça te dirait peut-être de quoi? Return to Obra Dinn, oui. Le jeu de bateau là, d'enquête. Ben, c'est lui qui a fait ça, en fait. Puis, c'est un genre de jeu d'extraterrestre. Là, de, je sais pas trop comment exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans. Là, mais c'est... C'est pas un point and click, mais c'est comme une aventure que tu lis. Un peu, là. Is an interest screening, mess tidying, session planning, work simulator. Donc, t'es comme un employé d'une station spatiale, puis t'as des aliens qui viennent te voir pour que t'es aides. Ah, c'est ça. C'est drôle, c'est vraiment comme Papers, Please. Ouais, c'est ça, un peu ça. Même genre d'affaire, là. Earth Colony, là, tu vois, là, ici, là. Donc, The Off-Colony Community Support Center offer a wide variety to help session for qualifying Martian. Mm. Fait que des sessions d'aide pour des Martiens. Ouais, c'est malade. Ça a l'air vraiment... C'est vrai. Elle remonte un peu. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que là, t'es... Staff Note. Ça ouais. Fait très... ben, moi, ça me rappelle, mettons, le Nintendo Power. Ouais, ouais. Ils t'expliquent le nouveau jeu qui arrive, puis là, ils mettent une petite note. Ce jeu-là est tellement hot, il est attendu, C'est magnifique. C'est magnifique, cette library de Playdate. T'sais. J'adore ça, pour vrai. C'est tellement bien bâti. Puis ça roule, ça marche. Là. Ça marche. Ça serait déjà fermé si ça n'avait pas marché. Là. Puis en ce moment, je pense que si vous la commandez, vous allez l'avoir rapidement parce qu'ils ont fini par reprendre le dessus sur la production. Là. Ouais. J'espère juste qu'ils vont annoncer une saison 2 maintenant. Là. C'est ça que j'attends de voir. Là. Mais sinon, ça continue de rouler. Les gens produisent des affaires. Puis, un petit bout, j'ai pas joué, je suis dû. Là, mais c'est ce que j'ai vu récemment qui m'intéresse sur... sur catalogue. C'est très, très cool. Merci du partage. Laurent, as-tu vu le film de Tetris qui est sorti l'année dernière? Si oui, ton opinion. J'ai pas vu ça. Ça j'ai la misère à visualiser comment est-ce que cela pourrait être intéressant. Je sais pas. Mais vous aussi, il faut dire que j'écoute très peu de films. Alors, quand c'est le temps que je m'assois pour un film, ben d'un, je les écoute tout le temps tout seul parce que ma blonde, on écoute juste des séries. Le format série a vraiment pris le dessus c'est sur vrai. Le format film là, dans mes maison chez nous. Là. On écoute presque un film par année, je pense. Mais c'est fou, ça a changé moi aussi. Là. J'étais tellement un cinéphile, puis c'est assez rare que je vais au cinéma que j'en écoute des films. Là. Ah, moi aussi. Hein. Sinon, avec les enfants, là, mais mettons, nous, là, s'asseoir et dire « ce film-là, faut vraiment le voir. » Non. Tu sais, le film avec Brendan Fraser, là, Will, c'est ça? Ouais, j'ai pas vu on ça. On se disait, nous autres, faut qu'on voit absolument ce film-là. C'est des films plus d'auteur, un peu, que j'adore, que je prends pas le temps ben, de moi, c'est là, ce qui m'intéresse. Là, aussi, mais le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Oppenheimer, avec mon père. On a aidé parce que c'était Oppenheimer, là, puis c'était gros. Là. Ben, j'ai vu Barbie. J'ai pas vu Barbie, moi. Mon gars. Oups. Ah, t'as sorti le stand. Parce que ça intéressait. Mon fils s'est intéressé. Ah, faut que je excusez, j'ai accroché le micro. Des films. Ah, c'est les geekettes, sûrement, ça. Ah, ils disent que la cam gèle. La cam gèle? Es-tu revenu, Bento et la cam, là? Là, j'ai comme, il n'y avait pas de commentaires depuis une heure. Je me disais, il n'y a plus personne ou whatever. Ben, il n'a pas moi, il m'a regardé pareil pendant ce temps-là. Là. Sinon, ça le ferait dire en maudit par tout le monde. Là. Fait qu'on n'a pas fait un refresh, Bentoy, si jamais la cam gèle, m'a regardé de mon bord. Là. On n'a pas vu le film Tetris, on n'a aucune idée. Jean-François Joly, que penses-tu de Contrat Opération Galuga sur Switch? En avez-vous chez Retro MTL? Il n'est pas sorti encore, mais on va en commander, c'est sûr. La cam est gelée pour vrai, fait que je vais faire ça. Je vais juste arranger live, là, un petit peu. Mais, okay. Mais l'audio marche. Fait que on continue, mais je vais remettre la cam. Là. Fait que il n'est pas encore disponible en physique, Jean-François, mais ça ne sera pas long. On a passé nos commandes auprès du fournisseur, il me semble, déjà. Et puis, on va avoir des copies régulières et on va avoir des copies collector. Et puis pour moi, le gameplay que j'ai vu, j'ai trouvé ça très intéressant, comme le reveal. Là, je trouve pas le look là, fantastique, mais je trouve que ça a l'air d'être parfaitement contrat, puis c'est tout ce qu'on demande. Et puis le co-op, tout, moi ça me parle énormément. Et puis Fred en a fait un review dans son channel. La cam est vraiment gelée live, je sais pas ce qui se passe là. Bon. Continue de parler puis m'essayer de l'arranger. Là. On est désolé pour le freeze de la cam. Fait que voilà. Laurent, une autre question. Quel film as-tu vu dernièrement? Ben, comme on disait, j'ai pas vu de film dernièrement. J'ai pas vu de film du tout. Mais je peux dire que présentement, j'écoute la série Shogun sur Disney. Et puis, c'est absolument incroyable. C'est un, c'était des livres au départ. Et puis, il y a déjà eu des films de ça dans le temps, dans le passé. Puis là, il y a remake ça encore. Et puis là, je suis bien, bien gros là-dessus. Je trouve ça excellent. Mais sinon, je consomme énormément de contenu québécois avec ma conjointe. Donc, on écoute des séries, des émissions qu'on aime bien. Mais j'ai pas de film, là. J'ai vraiment pas vu de film. C'est malheureux. Faudrait que je m'y remette. Simon, avec deux business, un bloc, famille, comment gères-tu ton horaire? J'ai pas de... si tu savais. Je pense que c'est la diffusion live qui rush, mais que ça marche, parce qu'on est comme super en retard ici, là, fait que c'est ça. On va continuer comme si tout était beau, là, puis on rajustera, couton. Ah, mon horaire, c'est tout en même temps. Puis, tu sais, j'ai vraiment de la misère. Je lis le livre présentement qu'on m'a envoyé, que les Éditions de l'Homme m'ont envoyé. Est-ce que l'entrepreneuriat rend fou? Il me semble que c'est ça le titre. Mais je suis en train de le lire présentement. Je trouve ça très intéressant. Puis, toi aussi, tu vas sûrement relate, Jeff, où est-ce que notre tête est pleine tout le temps de plein d'affaires. Puis, c'est ce qui permet d'avancer des projets puis de les réussir. Mais pour faire ça, tu sais, c'est que je fais. J'ai jamais de repos, tu sais, c'est tout et tout le temps en même temps. Puis quand je suis en repos pour vrai, j'ai de la misère à rester au repos, tu sais, j'ai de la misère à pas sortir mon téléphone ou. Alors, j'ai l'impression que quand je suis au repos, je suis en train de pas faire de quoi que je devrais avancer souvent, là. C'est que ça, moi aussi. Je me sens comme quasiment là, coupable c'est... de rien faire. Ben, je me sens pas coupable parce que je me dis, il faut vraiment que tu te reposes. Ah ouais. Mais d'un autre côté, comme finalement, je me lève, je descends, mettons, chez nous dimanche. Je descends en bas et je vais travailler sur mon ordi. Puis là, je t'écris une affaire, puis là, tu me réponds tout de suite. Je me dis, OK, ben, on est dans. Je suis arrêté de faire ça, moi aussi, de mon bord. T'es en train de faire ça, nous aussi, on est juste des malades. Mais tu sais, pour les projets que parce j'ai. Parce que les projets qu'on fait là aussi, il faut que ça se fasse à un moment donné, là, dans ben, semaine, on là, travaille. T'sais. Parce que moi, pendant le travail, je n'ose pas, tu sais. Mettons, nos amis très, jasent. Très rare, moi aussi. Puis je dis, là, j'ai plus le temps de faire ce que je faisais avant, qui est trop nouveau pendant que je travaille, là. Non, c'est ma ça. Ma job est rendue trop intense, là. Ben moi aussi, ma job, quand je suis à la job, c'est beaucoup ma job, mais d'un autre côté, j'ai deux jobs parce que, mettons, quand il y a des. Comme aujourd'hui, on a eu de quoi, là. Ben, j'en parlais en intro, le guichet pour Arcade MTL, tu sais, puis les fuck que ça venait. Bon, ben, allez, on a presque à la fin de show, hein, fait qu'on va finir comme on est là, là. On va finir en audio, guys, on est désolé. Qu'est-ce qui se passe, bref? Puis, quand ces mardes-là arrivent, il faut s'en occuper live, tu sais, fait que je passe mon temps à séparer ma tête. Ma blonde m'a fait découvrir un thème dernièrement qui s'appelle la concentration fragmentée. Okay. Et puis c'est ça qui se passe. Oh, là c'est freezé pour nous. Ouais, ben c'est ma main là, mais je vais l'arranger là. OK. Fait que c'est ce que je fais tout le temps pendant que je suis en train de travailler sur une affaire. Tu sais, j'ai le chat de la job, un employé me pose une question. Après ça, je me lève pour aller dans le bureau à Martine pour qu'on parle d'une autre affaire. Pendant ce temps-là, je reçois un email de notre gérante de l'arcade qui me demande un truc. Et puis après ça, ma blonde m'écrit pour me dire « Ah oui, oublie pas, à soir, c'est le meeting de l'école pour acheter le portable pour Eugène qui s'en va à l'école l'année prochaine. Oui. Les pneus d'hiver, c'est la semaine prochaine. Ah, ouais, là, tu t'en vas au WEG. Fait que loin, là, jeudi, il faudrait faire ça. Oui. Ah, puis la pomme de douche. Man, j'en peux plus. Comment est-ce qu'on fait pour avoir autant d'affaires? Je comprends que la maladie de la société, c'est l'anxiété présentement. Ben oui. On a trop d'affaires, tu sais. On pensait que la technologie allait nous aider à régler. La technologie fait juste nous rajouter de l'ouvrage, tu sais. Le fait d'avoir l'accès à l'Internet partout aussi, ça aide pas, là. Ah non, c'est ça. Fait que y a pas de secret, tu sais. Moi, j'ai juste comme... Je vendais des cassettes pendant que j'avais des bébés, puis j'allais faire des soirées rétro, puis après ça, mes enfants grandissent, ils sont encore très petits, puis là, j'ai juste tout fait en même temps. Ouais. J'ai juste comme inventé du temps, puis j'ai tout fait en même temps avec l'énergie que j'avais, puis la drive que j'avais, et puis c'est that's it. Mais sinon, tu sais, pour ce qui est de présentement, tu sais, mes enfants sont grands, fait que là, ça roule plus. Mon plus vieux, je le vois plus. J'ai pas besoin de m'en occuper, là, tu sais. Je le lave pas. Ouais. J'y fais presque plus à manger, tu sais, tu comprends? Ça, c'est. Je suis libéré de ça. Mais je suis quand même tout le temps sur le gun, genre le bar. Tu sais, un bar, ça se passe la nuit. Fait que pendant que ma journée ici finit, à 5 heures, ben là, c'est la journée des gens du bar qui commencent, ça m'envoie des messages puis des affaires. Fait que. Wow, il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle vraiment Olimel00. C'est-tu pour Olivier Mel quelque chose ou c'est vraiment en hommage à la. aux boucheries Olimel. J'espère que c'est ça. Je pense que c'est Twitch qui chie en ce moment. Là. Hop, puis en plus, je suis sur Young Media Test. Bon, ça va super bien. Chris. tout fail. Ouais. Fait que, écoute, il n'y a pas de secret, Simon. C'est vraiment de forcer le temps. Et puis, comme je disais, je le répète encore, je le répète une fois ou six mois dans mon podcast. Dans vie, il y a trois affaires à gérer. C'est quand t'es jeune, t'as du temps, ah, mais t'as pas d'argent. Puis t'as du temps, t'as de l'énergie, mais t'as pas d'argent. Ouais, t'as pas les trois en même temps. T'as jamais les trois en même temps. Là, t'es middle age, t'as de l'argent, t'as de l'énergie, mais t'as pas de temps. Pas de temps, ouais. Puis quand t'es vieux, t'as du temps, t'as de l'argent, t'as pas d'énergie. T'as plus d'énergie. Fait qu'il faut que tu brises un de ces trois paradigmes-là à quelque part arriver à quelque part. Puis je pense que quand t'es vieux, c'est plus dur parce que l'énergie, tu peux pas la retrouver. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé du temps dans mon middle age, là, tu sais. Mais mettons, si tu nais avec des parents riches, puis t'as de l'argent tout de suite en partant, c'est là t'as un edge sur les autres, tu sais. Là, ça va vite, là, Olivier Primo, là, tu sais. T'es riche en partant, tu sais. Fait que tu pars vite, là, tu sais. Mais pour le commun des mortels, comme nous, tu sais, de la classe sociale normale, whatever, que nos parents nous ont pas donné un immeuble en naissant, ben c'est ça. Et voilà. Sena de Miuk Mambo Samyo Dice. C'est bon. C'est, ouais, c'est compliqué, mais il est cool. Scénario post-apocalyptique. Suite à une éclipse, tous les gens qui ont commandé sur Amazon des lunettes made in China se transforment en zombies. Hochelaga devient une zone à éviter. Papa Cassette planifie sauver sa famille en fuyant dans une grotte souterraine électrifiée dans une forêt près de Saint-Lin. Toute la famille devra survivre là pour 12 mois en se nourrissant de Kraft Dinner, de chips Miu Miu au ketchup et de Sunny D. L'inventaire de Retro MTL est quasi à sec et quasi à sec en ce moment. Il reste peu de choix de console à emmener. Quelle console Papa Cassette amène dans la grotte parmi ses choix et pourquoi? A. ColecoVision. B. WonderSwan. C. TurboGrafx-16. D. Virtual Boy. Si bon. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est vraiment weird ce qui se passe. On est vraiment comme freezé, puis là, des fois, il y a un frame qui part. Ouais. On freeze. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, là, GF, il est sur le nerf, là. Non, mais genre, qu'est-ce qui se passe, là, voir. Il essaie de trouver le fuck, là. Pendant ce temps-là, je réponds aux questions. Ben, je peux pas retrouver le fuck en ce moment, là. Anyway, là, c'est. Fait que, écoute, c'est je OBS pense que j'apporterai la TurboGrafx-16 parce que c'est elle qui donne le plus de potentiel de jeu de longue durée. S'il faut passer un long temps, on s'entend que la WonderSwan, je l'ai pas connue beaucoup. ColecoVision, ouais, ColecoVision demeure ma préférée dans toutes celles-là. Par contre, les games sont pas longues, tu sais. Ah, y'a ça. Fait que tu peux jouer au TurboGrafx-16 à des RPG, des schmucks, des affaires. T'sais, quand tu fais une bonne run quand même, là, tu sais. C'est agréable. Et puis, mais j'ai déjà possédé une Virtual Boy. Et puis, j'ai très, très peu joué. Et puis, on comprend pourquoi, n'est-ce pas? Ouais. Fait que voilà. Et puis, on se transporte pour finir sur, sur Instagram, qui m'envoie une notification que je ne comprends pas, qui cache des questions. OK, Tom, c'est drôle, les noms sur Instagram sont pas mal plus tough. Tom Fredoche. Fredoche. Fresh Duff. Comme une Duff fraîche. Ah, ouais. Une bière Duff fraîche, ça doit être pour ça. Penses-tu revenir habiter dans la région de Beauce ou Sherbrooke Estrie lors de ta retraite? Non, jamais de la vie. J'apprécie la Beauce maintenant quand j'y retourne pour le paysage et tout ça, mais j'aime pas. Je veux dire, ma belle famille est là, je me sens mal de dire que c'est des colons là, là-bas. Là. Mais c'est pas. Parce que moi, j'ai connu la Beauce, tu sais, puis j'ai connu Sherbrooke, puis c'est fait, là. J'irai ailleurs, tu sais. Et puis, je sais pas si la région ou la campagne est pareille partout. Mais, tu sais, en Beauce, c'était très. Tu sais, la Beauce était. La Beauce vote conservateur. La Beauce aime tout ce qui est américain. La Beauce, tu sais, c'est les chars. Tout ce que je dis est extrêmement cliché, mais c'est un peu ça quand même, tu sais, d'une certaine façon. C'est agricole, tu sais, mais je trouve qu'il y en a partout. Mais je trouve pas que c'est ça qu'on sent, tu sais, sauf quand tu vas un petit peu plus deep. Mais j'ai pas envie de finir d'être à la retraite puis d'aller à la tente de Saint-Audilon boire de la bière, là, tu sais. ou un, il y a pas de point d'eau en Beauce ou avoir un chalet, tu sais, il y a pas de grand lac, il y a pas de grande rivière. Ben il y a la rivière Chaudière, mais tu peux pas avoir un chalet de part et d'autre de la rivière Chaudière. Ouais, là, okay. Fait que il y a pas, je vois pas de lieu là, tu sais, il y a rien pour moi là-bas. Sherbrooke, ben, j'ai eu du plaisir au Cégep là. Puis d'attitude, là, tu sais, je suis retourné après l'année passée où il y a 2 ans faire un game chasing, puis j'ai trouvé que la ville faisait pitié, ah ouais. Là, tu sais, c'était magané puis tout, fait que je suis pas nostalgique de ces places-là, fait que j'irais pas là, tu sais. Mais j'irais pas. T'aimerais-tu avoir un chalet à retraite, quelque chose? Ah ouais, moi oui. Là. Ouais. Chalet ou une fermette, peut-être là. Je serais très fermette. Exact. Une coupe de poules là, puis une coupe d'animaux là. Pis... Comme Gaouette, là. Oh ouais, ça. Moi, je me ferais ça. Là, t'es pas pour en faire une entreprise, là, mais... Ben, moi, peut-être, là, mais relax. Je voudrais pas avoir autant de comptes à rendre ou de messages à checker que présentement dans ma future entreprise. Ben, il y a ça aussi, moi. J'aurais tellement de données, à un moment donné, je vais faire comme là, c'est beau, ça crée moi patience, là. C'est un peu ça, là. Exact. C'est pas quelque chose. Je suis un gars de nature aussi, là, un clash, là, parce que ben, j'aimerais ça, pour avoir un chalet, là. Ah, moi aussi. Un chalet ou quelque chose dans le bois, là, ben, on est à Montréal, on se loue des chalets 3-4 fois par année. Bah ouais, c'est en plus, fait que, ça montre bien qu'on aime ça. Mais moi, ce que je veux pas, par contre, présentement, je vois des gens qui ont des chalets, puis là, ils sont stressés de leur chalet. On a un chalet, faut qu'on y aille. Ouais, là, tu te sens mal quand tu y vas pas. C'est pour ça que louer un chalet deux fois dans l'été, mettons, c'est pas pire. C'est pas mal moins de stress. Moins de stress. Puis là, tu pars le vendredi après à job, puis là, tu sais, ben là, à cette heure, le monde est télétravail, il s'organise mieux, là. Mais bref, là, t'as ton linge là-bas, faut que tu checkes les piscines. Ouais, ouais. Là, tu reviens le dimanche, mais là, ta semaine n'est pas prête. Là. T'as pas de lunch de fête, t'as pas d'épicerie, ton linge est sale, faut que tu fasses du lavage, puis le lendemain, c'est sale lundi. Feu. Puis les, faut que tu prépares ta semaine. Tu sais, nous autres, le dimanche, on prépare beaucoup la semaine, les lunchs, les patentes. Fait que c'est ça. Olimel00, il dit c'est juste Olivier. Attends, ok, c'est ça. Fait que c'est Olimel, c'est juste Olivier, donc c'est pas, okay, ça n'a pas le lien avec Olimel, les viandes, ben ouais, malheureusement. Fait que voilà, on verra, mais pas dans ces coins-là, non, Tom, j'irai pas là. Matt, oui, Matt, top 10 meilleur shmup ever. Oui, je pense qu'il y a. C'est une blague. Si vous pouviez rencontrer une personnalité connue, peu importe le domaine, quelque chose, qui choisiriez-vous et pourquoi? Excellent show et continuez votre excellent travail, les boys. Hey, je le sais tellement pas, moi. Jeff Bezos, le gars d'Amazon. Ah ouais? Puis il dit, hey, pourquoi tu règles juste pas la faim dans le monde, astique ton argent, là? C'est vrai, hein? Pourquoi il y a tant de richesses dans, genre, 5-6 personnes dans le monde? Ça n'a pas de sens, ça, pour moi. Là. Moi, je conçois pas ça qu'il y a du monde qui ont... Moi, c'est d'avoir une limite d'argent. Ils font d'argent, 20 là. Milliards par année. Quand t'es en haut d'un milliard, là, le reste, c'est comme... C'est plus à toi, à un moment donné. Là. Ça n'a pas de sens. C'est comme, tu dépenseras jamais ça. Il y a du monde qui en a besoin en ce moment. C'est comme... Moi, je trouve ça aberrant. Ouais, moi aussi. C'est là. Une aberration. T'sais. Ça n'a pas d'allure qu'il y a du monde qui ait autant de cash. C'est fou. Là. Puis j'imagine qu'il en donne, whatever, mais t'sais, ça serait quoi? Regarde, TurboGrafx, il est clairement un fuck parce que ça fait genre 20 minutes qu'on a parlé de ça. TurboGrafx 16, là. Oh my God, on est-tu en retard? OK, le chat est... Il y a quelque chose qui se passe avec Twitch, je pense. Retard, je pense que c'est Twitch qui fuck. Là. C'est okay, pas okay. Nous autres là, en ce moment, là. Ah bon, voilà. S'excuse, on est prêt avec le diffuseur. Non, mais ben, coudon. Fait que, mais moi personnellement, je sais pas. Pour vrai, je suis pas comme... J'ai pas de vedette chanteur ou whatever. Non, moi non plus. Je suis pas tant starstruck non plus. Non, moi non plus. Tu sais, les vedettes, c'est du monde normaux aussi, là. Mais moi, je serais plus intéressé par du monde qui ont fait de quoi, qui ont bâti quelque chose. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Ouais, c'est ouais. Ça que je suis sur TikTok, tu sais, des gens qui ont bâti des business. Ou j'aime le développement, tu sais, le développement des affaires, ça m'intéresse. Fait que n'importe qui de big là-dedans, ouais, ouais. Ça le ferait. Gauvin, Philippe, quel personnage prenez-vous habituellement à Mario Kart et pourquoi? Ça va être une question pour toi, ça, parce que moi, je joue jamais à Mario Yoshi, Kart. Yoshi, parce que je suis Team Yoshi dès qu'il y a Yoshi dans un jeu. C'est aussi simple que ça. Juste ça, demain. Moi, j'adore Yoshi, puis c'est tout. Là. C'est mon, il est pas meilleur. Non, c'est juste mon personnage. Là. C'est... Quand j'avais mon frère, puis tout, puis on jouait quand on était plus jeune, c'était tout le temps Yoshi. Là. Bon, Chris. C'est voilà. La seule raison. L'habitude. C'est... Il fait des petits miaou. Ouais, miaou. Oui. Des cœurs, hein, Yoshi. Il était cœur, hein. Des cœurs. Philippe Gauvin, encore une fois. Quel personnage de n'importe quel jeu vidéo voudriez-vous comme premier ministre et pourquoi? Ouais. C'est super compliqué comme question. Carnov. Carnov. Mais tu sais, faudrait creuser dans... Hey, là, il se fait tort. Faudrait ouais, faire des recherches. Je commence à... Ouais, faudrait faire des recherches là, de jeux récents, whatever. Je sais pas c'est qui le master dans Helldivers 2 là, ouais. Qui serait peut-être un bon, tu sais, comme... Bowser, je peux pas dire qu'il y a Icarus, ouais, mais tu sais... Kekol, Kebekol, c'est un petit... Pit. Pit. Kirby. Kirby. Oh là là. Hey, désolé, Peach. Philippe. Peach, tiens. On va prendre Peach. Oui, oui, une femme. Mais ouais. Peach Showtime. On n'a jamais eu de femme premier ministre. On a eu... Au Canada. Au Canada, non. On a eu Pauline pas longtemps. Là, on a eu Pauline, ouais, c'est ça. Ça qui a failli se faire tirer pendant qu'elle... Mais ouais, calice. Quel, en tout cas. Tirer Pauline, c'est-tu. On revient à Peach, Pauline, voilà ça. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Ouais, Peach, parce que ça prend des femmes. Plus de femmes. Ouais, il y a vraiment une chicane, il y a plus de femmes. Exactement. Les femmes, ils sont bonnes pour gérer. Les hommes aussi. Je veux pas sonner sexiste, mais je trouve que je les trouve meilleurs. Ouais. Je trouve qu'ils multitaskent. Je trouve qu'ils voient loin. Et puis, ma blonde, c'est incroyable. Ce qu'elle fait, je me sens mal. Moi, je suis dans le mécanique. Je fais la vaisselle. Wow. Elle pense à tout. Là, c'est incroyable. Je sais pas comment ce qu'elle fait. Tantôt, je répondais à la question genre de... Je pense à 1000 affaires en même temps, mais je délaisse beaucoup aussi. Ma tête délaisse beaucoup aussi les affaires plus familiales. Ouais, ouais. Puis là, ma blonde, elle sait tout, puis je me sens comme de la marde de ne pas le savoir puis de ne pas le savoir autant qu'elle. C'est une grande honte dans ma vie. Et pour finir, dernière question de tout. Guillaume Larouche. Si tu avais l'opportunité de te bâtir une nouvelle business direct demain, ça serait quoi? Hors jeu vidéo, mettons. Ah, de quoi on bouffe, moi? Ben, moi aussi, je pense. C'est drôle que tu dises ça. Ben, tu voudrais te faire un genre de smokehouse? Ouais, un petit resto, quelque chose. Là. Smokehouse, peut-être. Boulangerie. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une autre expertise, la boulangerie. Là, ouais, mais moi, la boulangerie, je pense que... J'y pensais la semaine dernière, d'ailleurs, puis ça m'intéressait. De là, la question, c'est drôle. Mais ben, je mange beaucoup à la boulangerie à côté de laquelle mes parents et toi, vous habitez. Et puis, je trouve ça absolument incroyable. Et puis, je me dis, je suis pas capable de me lever tard, même si je peux. Ben, moi non plus, là, c'est assez rare. Parce qu'on est broken. Ouais. Fait que tout se met de faire du pain, Carlis. Ouais. Puis ça sent debout bon. À l'heure, on fait du pain. Puis tu sais, il n'y a personne qui te donne de la merde quand tu fais du pain. Tu sais, il n'y a personne qui te donne des mauvais reviews. C'est assez rare. Ou qui appelle pour retourner. Tu vas le voir, pain. Ton pain, s'il est sec, tu le vendras pas. Là, non, c'est ça. C'est ça. moi, c'est ça. Moi, à un moment donné, je vais me tanner de tout ça. Là, tu sais. Puis, mais à ma retraite, je pense que j'aimerais avoir une business autre. Puis moi, la restauration, je pense que j'aurais aimé ça. Parce que moi, j'aime ça. Mettons, tantôt, je suis arrivé tôt à la maison, fait que je voulais être prêt pour asseoir, je ne voulais pas arriver tard. Ouais, ouais. Fait que là, j'ai fait genre le porc, sauce piri, le riz, les affaires, multitask, c'est tout. Je fais la vaisselle en même temps, je ramasse l'affaire, ouais, je sors un sac de vidange. Puis tout est fait, à la vitesse de l'éclair. Tout est ramassé, tu sais, comme je me laisse pas traîner. Moi, j'aurais été efficace dans une cuisine. J'aurais aimé ça, essayer ça. J'aurais dû, quand je me cherchais un job en ville, tester genre les restaurants. Je pense que j'aurais aimé ça. J'aurais monté de grade dans les restaurants, j'en suis certain, puis je me serais rendu loin dans cette business-là. Mais je ne suis pas cuisinier, je ne fabrique pas des recettes, j'ai pas ce skill-là. Mais tu sais, je disais à ma blonde, tu sais, à la retraite, là, on vend tout, on s'en va quelque part, pas en Beauce, pas à Sherbrooke. Et puis, on sauve un petit resto. Un chèque sur le bord, là, que tu donnes 2 piastres pour aller chier. Exact. Histoire de weg. Ouais. On en reparlera. Mais demain, faudrait pas que ça soit une business de plus que celle que j'ai présentement. Ouais, ouais. Demain, un resto, je pense que j'aimerais ça. Avec toute la marde que... Ça a l'air tough. Ouais, c'est pas une vie facile, le restaurateur, je pense. Là. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. On se fait du bacon artisanal. Un gros fumoir immense dans la cour. On va couper le bois chez Gawette. On va le ramener faire fumer notre stock. Là. Ah ouais, exact. Je pense qu'on n'a plus d'ambition. On voudrait d'ambition. On voudrait juste aller chiller à des affaires plus simples. Ah, ben il y a ça on aussi. Revenir aux sources. Après quoi, c'est quoi, 20 ans, 25 ans, d'essayer de faire plein de projets à un moment donné, c'est comme OK, là, on rapetisse et on relaxe un peu. Là. Absolument, absolument. On vieillit, fait qu'à un moment donné, on va vouloir être plus relax. Ouais, exact. À un moment donné, quand le monde connaisse ton bacon ou ton pain, t'as pas besoin de faire des posts à tous les jours. Non, c'est rapport. Ça, tu sais, la job est faite. Là. Ou de TikToker, tu sais, comme ta clientèle est faite, elle te connaît, elle vient de chercher le pain. C'est ça, exactement. C'est du bouche à oreille, c'est simple. Fait que voilà, ça conclut les questions. Ouais, fait qu'on va s'en aller là-dessus. Là, le monde va voir dans 20 minutes probablement qu'on arrête bientôt. Là. J'ai vu le CPU monter à 30%, mais je sais pas. Je peux pas croire que c'est encore OBS qui chie. Si c'est le cas, va falloir considérer un autre logiciel peut-être. Ou un autre ordinateur.